Bonjour l'internet et bienvenue dans ce quatrième numéro du jeu vidéal. Vous l'avez entendu avec cette petite musique qui passe juste derrière moi grâce à DJ Barbe. Nous sommes dans une période de fête, une période d'amour où on se gave de foie gras, de champagne, tout ce qui va avec. On aura des cadeaux, ça va vraiment être absolument génial. Et aujourd'hui, pour parler de Noël et de l'année 2015, je ne suis bien sûr pas seul. Je suis accompagné de mon camarade de Xboxygen, notre sponsor, on va dire en gros, Rhône. Bonjour Rhône, comment vas-tu dans cette ambiance plutôt agréable et chaleureuse? Salut, ça va super bien, j'ai une patate d'enfer et je sens l'amour et la joie remplir mon petit corps musclé. Je suis prêt pour passer des fêtes de fin d'année qui seront forcément magiques. Forcément magique, et puisqu'on parle de magie, la magie de l'humour, c'est bien sûr avec Matt. Comment vas-tu, Matt? Bah, je remarque que tu commences jamais par moi, je commence à le prendre mal, mais tu t'es un peu rattrapé avec magie de l'humour. Ouais, je sais, je préfère imposer le personnage petit à petit, et puisqu'on est aussi dans le charisme, dans l'aventure, le pirate Barberousse nous a rejoint une nouvelle fois pour une émission du jeu vidéal. Donc le PC sera encore une fois bien représenté avec Matt et donc Barberousse, comment vas-tu? Et bonsoir, ça va très bien et j'espère que vous allez aimer la musique qui va passer ce soir. Je vous ai fait une petite sélection aux petits oignons, il n'y a que des jeux PC. Ah, ça va être magnifique, je sens qu'on est en train de se faire rouler petit à petit par ici. Et pour la première fois, j'ai la chance, l'honneur et le plaisir de recevoir Bilou, le plus grand fan de Chuck Norris du monde. Bonjour, Bilou. Hello à tous. Oui, ça me fait très plaisir d'être avec vous. En plus, c'est la première fois en plus que je parle avec Creepers. C'est vrai, c'est notre première fois vraiment. Oui, après des années sur Oxygène. Oxygène, Twitter et tous ces réseaux sociaux absolument incroyables. On communiquait, on s'est même partagé des photos de tueurs en série oula, en slip. Oula. D'accord. On s'est arrêté là. Trop d'infos là. Non, tueurs en série en slip, des petites photos de Jason, de Michael Myers en slibard. C'est ça qui crée une amitié. Ouais, tout à fait, ouais, je suis d'accord. C'est vrai, il faut commencer par les basses scènes. Commencer par les slips. Exactement, on commence par le slip et après on finit par... Non, on va s'arrêter là, vous avez raison. Donc aujourd'hui, le thème du jour, alors c'est quelque chose d'assez classique, on est en fin d'année, on va se faire plaisir aujourd'hui en discutant tranquillement donc de jeux vidéo, et surtout des jeux vidéo et tout ce qui l'entoure, sorti en 2015. Donc on va vraiment rester sur cette année, puisque généralement on est sur des thèmes, on a vraiment des dossiers très très bien préparés, hein, comme d'habitude, et cette fois on va vraiment pouvoir s'attarder sur des jeux qui nous ont marqué petit à petit dans l'année, et donc on va commencer tranquillement avec les premiers sujets. Le jeu vidéo. Le dossier. Et histoire de prendre la température, je vais commencer par faire un petit tour de table pour savoir comment s'est passé cette année 2015 niveau jeux vidéo. Et on va commencer par Matt qui n'arrête pas de se plaindre depuis le début. Alors Matt, cette année 2015, qu'est-ce que tu en as pensé globalement, histoire de montrer à nos auditeurs ce qui t'a plu à peu près? Ah bah voilà, ça, comme quoi ça rapporte de râler. Ah, il faut râler. Je suis assez content. Bah écoute, pour moi c'est une année quand même riche en surprises, avec des jeux qu'on a pas vu venir, surtout par des indés, mais je crois qu'on va en reparler un peu plus tard dans l'émission. Tout à fait. Je pense aussi à Splatoon, le truc l'ovni de Nintendo. Tu parles de jeux console toi, c'est incroyable. Bah qu'est-ce qui se passe? C'est l'un des rares jeux console qui me donne envie. Avec Yoshi, tu te rappelles le petit Tamibo Yoshi, t'es sympa. Oui, on compte aussi Yoshi parmi eux, effectivement. Et puis pour moi, c'est aussi des jeux qui étaient attendus et qu'on su répondre présents, comme Bloodborne, Witcher, Rise of the Tomb Raider, etc., etc. D'accord, globalement, une année plutôt positive pour toi. S'il y a quand même des choses un petit peu tièdes, il y a des choses qui t'ont laissé un petit peu de marbre quand même, ou c'est vraiment une bonne année pour toi au niveau, à bon cru, 2015. Ouais, globalement, très bonne année. Je retiens quasiment que le positif. On parlera du négatif un peu plus tard, peut-être. Très bien. Alors passons à Bilou. Alors, camarade Bilou, 2015, pour toi, ça représente quoi? Ça tient en trois lettres et un chiffre. Et je sais que Ron en est grave vachement fan. Pour moi, en gros, c'est MGS5, hein, vraiment. c'est voilà. Si je devais juste garder un seul jeu, voilà, de l'année, ce serait ça. Ensuite, vraiment, j'étais plutôt content de ce qu'a donné le Witcher 3, aussi bien en termes de succès critique, non, attends, commercial. Ne prononce pas le mot Witcher 3. J'ai remarqué que oui, c'était pire que Beetlejuice, le truc. Ouais, parce que là, Witcher 3, tu vas l'enflammer. Là, c'est terminé. Mais ouais, non, franchement, je suis content de ce que ça a donné, je disais, aussi bien critique, commercial que éthique, on va dire aussi, avec un peu la philosophie des développeurs. Je suis plutôt content qu'on ait enfin une preuve par neuf, quoi, que oui, on peut faire des jeux sans sous de la gueule du monde. Et, des jeux qui marchent, des jeux qui sont jolis, voilà, j'étais assez content de voir ça. Et puis en dernier, je dirais que je suis content aussi de ce qu'a donné le Dirt Rally, un peu en early access, de voir un studio qui revient un peu devant avec un bon jeu de rally comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. C'est vrai. Et donc qui a été annoncé sur console d'ailleurs, je crois. Exactement. Donc après bon, c'est sur console, c'est la plèbe qui joue avec une manette, donc je l'ai plein d'avance. Franchement, je l'ai plein d'avance. Tu joues au jeu de rally avec un clavier, toi, non? Avec un volant. Avec un sur volant. Console, monsieur de la mauvaise foi, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais enfin bon, bref. Disons que je suis content d'avoir enfin ça sous la main, surtout que le contenu devient vraiment assez énorme au fur et à mesure du temps, plein d'ajouts, vraiment très sympa. Donc c'est un early access. Qui se fout pas non plus la gueule du monde, et je suis plutôt content quand on se fout pas de ma gueule. Formidable, il aime bien quand on se fout pas de sa gueule, le Bilou. Et donc MGS5 t'a marqué, on a appris d'ailleurs très récemment, aujourd'hui ou hier, je crois, que Kojima était officiellement hors de chez Konami. On en reparlera un tout petit peu après, on va faire un petit encadré justement, parce que c'était un des temps forts de 2015, le problème avec Konami et Kojima. Et donc il aurait rejoint, donc il a relancé Kojima Production, il y aurait une exclusivité PlayStation 4 sous les cartons, comme on dit avec Kojima. Ah oui, justement, je l'ai contacté tout à l'heure pour justement qu'il soit à l'heure pour le podcast, pour qu'on puisse en parler justement. Il a bien voulu, c'était assez cool de sa part. Je crois qu'il a dit d'accord, qu'il viendrait dans le podcast dans 3 ans, quand il aurait quelque chose à montrer. Non, il a dit d'accord, mais en fait, il y a des problèmes de Mumble, donc il viendra plus tard. Lui aussi. Mumble, c'est génial, programmez-le, vous verrez, c'est formidable. Garde la parole, tiens. Barberousse, 2015, qu'est-ce que ça représente pour toi? Witcher 3, plein de petits jeux indés très sympathiques, des belles surprises dont on parlera après, la fin d'une saga intergalactique, le retour d'un petit garçon qui pleure, et puis quand même pas mal d'enfumage et de belles saloperies qui nous sont tombées dessus. Ah, il y a eu de l'enfumage cette année, c'est vrai. Ah oui, un petit peu, ouais. Et puis un nouveau cancer du jeu vidéo, mais ça on en parlera plus tard. Alors on aime bien parler des cancers du JV, ça va nous faire un petit peu gueuler, ça fait du bien de gueuler de temps en temps, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses effectivement en 2015, ça on va le voir tout à l'heure. Et puis si on parle de gueuler, justement, il est là, il est prêt, il est chaud, Rhône 2015. Ouais, bah je vois déjà qu'il suffit que Matt dise quelque chose et ça y est, on m'interroge en dernier quoi. Tu es puni. Ah bah bravo, tu es caché. C'est agréable. Eh ben 2015, moi je le vois d'un très très bon œil. Alors j'ai quand même des raisons de grogner, hein. Rassurez-vous, ça viendra, il y en aura. Mais moi ça faisait, pour ainsi dire, depuis la sortie de ces nouvelles consoles que je m'ennuyais pas mal sur ces machines-là. Et ça y est, cette année, enfin, j'ai trop de jeux pour tous les faire. Enfin, j'ai plein de choses qui me plaisent. J'ai des jeux en retard. J'en ai tellement en retard que je n'ai pas pu jouer à Witcher 3. J'ai pas eu le temps encore. Dehors. Bah ouais, je sais, hein, c'est prévu, mais le problème c'est que voilà, trop de choses, trop de bonnes choses. Alors en particulier sur Xbox One, il était vraiment temps parce que j'allais finir par mettre à jouer sur PC. Ah, c'est quoi, le point Xboxygène, attention, prenez l'argent. Donc j'ai eu un petit peu chaud, j'ai failli passer sur PC, heureusement les jeux ont débarqué, donc je suis de très bonne humeur en 2015. Mais t'as plus un rond. Mais j'ai plus un rond. Ah, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher toutes ces sorties. Mais nous on a un rond. On s'y fait. Ouh, je pense que tu peux mettre ton petit... Voilà, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. L'humour est présent pour finir cette année tranquillement. Et d'ailleurs, petite rubrique qu'on va installer avant de passer justement au gros thème de cette émission. Au fur et à mesure, on va rajouter un petit point où on va... ça s'appelle « Quel jeu offrir à ?» Et donc, on aura différentes personnes désignées. Donc, ça sera des jeux assez particuliers. Et pour commencer, nous avons, pour le premier jeu... Quel jeu à offrir à Chuck Norris? Ah, notre camarade Chuck Norris, on y a pensé spécialement pour Bilou, je répète, qui est quand même le fan numéro 1 au monde de Chuck Norris. Alors les amis, vous avez travaillé un petit peu sur le dossier, donc je vais commencer par Barberousse. Barberousse, quel jeu offrirais-tu à Chuck Norris? Bah, je pense que pour Chuck Norris, il faut un vrai jeu, un jeu de baston, un jeu où il pourrait même lui-même être la star. C'est vrai. Broforce. Ah, et en plus, La classe, coordonnée complètement avec la musique de Broforce. Effectivement, Broforce qui est sorti de son Early Access et qui est enfin disponible officiellement depuis quelques temps. Alors parlons un petit peu de Broforce. Il était déjà disponible depuis longtemps en bêta, mais il était déjà très très propre au départ. C'est vrai. Et à force de rajouter des persos, rajouter des niveaux, etc., etc., il est enfin disponible pour de vrai. Et il est bien. Alors si vous... Ah ben c'est du Expandables sous testostérone... Grosse baston, gros shooter, enfin du shooter, du shoot'em up à l'ancienne. Vu de côté, c'est simple, on saute partout, on s'agrippe et on joue des persos ultra badass, tirés des meilleurs films d'action. Chuck Norris, qui c'est qu'il y a d'autres Rambo. Ah, et il y a Commando. Il y a Bromando. Hein. Bromando, ouais. Ouais. Indiana Bronze. Il y a Mean Bro, qui est très rigolo aussi. Ouais, il y a aussi c'est John McClane, je crois qu'il y a même Christophe Lambert qui a été annoncé depuis peu de temps. Ah, j'ai pas vu celui-là. Donc, il va débarquer dans pas longtemps. C'est que c'est un vrai jeu de mal, comme on dit, bourré de testostérone. Et Robocop, qui est très très drôle. Et je pense qu'on est Judge tous Bro, d'accord. Plein de personnages de films d'action qui est juste génial. C'est complètement débile. C'est America fuckier. On va vous donner la liberté, surtout des coups de flingue dans la gueule. Et c'est n'importe quoi. C'est très très fun à faire en multi. D'ailleurs, on peut jouer jusqu'à 4. Est-ce que j'avais tout demandé jusqu'à 4. Ouais. Et ça, c'est très bien. Ok, donc Broforce pour Chuck Norris, et Pat, qu'est-ce que tu conseillerais à notre ami Chuck Norris? Qu'on salue d'ailleurs, hein, Chuck, si tu nous écoutes, hein, on t'embrasse. Bisous, Chuck. Eh bien, tout simplement, moi je proposerais Batman Arkham Knight sur PC, puisque tout simplement, ce serait la seule personne du monde à réussir à le faire tourner sur PC. Eh bien joué, effectivement, il n'y a que Chuck Norris qui peut faire tourner Batman Arkham Knight sur PC. Pas mal, j'avoue, joli. Mais tu peux nous en parler un petit peu quand même de Batman Arkham Knight ou... Non, il démarre pas. Ok, donc désolé pour vous, auditeurs, vous ne pourrez pas jouer à Batman. C'est vrai qu'il a été relancé et une nouvelle fois, ça a capoté, je crois, mais c'est assez catastrophique. Ah, ils y ont cru et finalement, après, ils ont dit « Ouais, non, on vous rembourse si vous voulez, en fait. » On reprend ton argent et va jouer sur console. C'est une catastrophe. Il faut jouer sur console à Batman Arkham Knight, les amis. Laissez vos PC, venez avec nous. Venez nous rejoindre dans la communauté des gens sur canapé qui sont heureux, qui sourient. Te répondre, je suis encore dans le Batman Arkham City de mon côté. Je suis en rattrapage. Ah, t'avais payé 1€ il y a 6 mois, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais t'as raison. D'ici là, Arkham Knight marchera peut-être. D'ici là, ouais. Bah, c'est ce que je me dis. C'est petite ce que chambre dis. À air et c'est reparti, hein, vous savez. Peut-être en émulation. Il est pas terrible, terrible le City quand même. Bah ouais, c'est j'ai un peu il du a mal. Marre des j'ai mondes ouverts, putain, pour chier. Non mais là, il apporte pas grand-chose, c'est dommage. Rhône, qu'est-ce que tu proposes à Chuck Norris? Bah Chuck Norris, il est plus tout jeune, maintenant c'est la maturité, il peut faire preuve de ses talents d'acteur, donc moi je vais lui proposer Life is Strange. Comme il pourra s'asseoir tranquillement sur un lit, réfléchir un petit peu sur sa condition, sur la beauté du monde qui l'entoure, et il pourra résoudre tous les problèmes autour de lui, juste en revenant un petit peu arrière dans le temps, et en discutant, en échangeant, pour mieux se comprendre. Et ça, c'est ce qui va ressembler au nouveau Chuck Norris. Il va devenir comme une petite adolescente, frêle et fragile, mais si attachante. Enfin, attachant. Merci Miss France. Voilà. Merci. Ce sera ça, merci Chuck Norris. Merci pour ton discours. Et je vous rappelle que Chuck Norris, c'est quand même la seule personne qui fout les pieds où il veut, et c'est souvent dans la gueule. Bilou. Pour Chuck, oui. Quel est ton présent à ton maître? Bah comme je le connais bien, hein, je lui ai offert un petit jeu pour lui rappeler des bons souvenirs, débouler dans un avion, l'usier au point, en mitraillant tout ce qui bouge. Agent USA. Delta Force, je dirais. Ah, Delta Force, t'as raison. Oui. En criant, nous sommes les États-Unis, nous venons vous sauver. Il a raison. Mais voilà exactement, ouais. qui pourrait le faire d'autre. Hein, voilà. Mais je lui offrirais donc Rainbow Six Siege. Malgré que il y a des choses qui datent d'un autre temps dedans et qu'il y a un peu de mal à fonctionner avec des serveurs un peu en carton. Il paraît. Mais oui, apparemment. Bon, moi j'ai pas beaucoup joué. Hein, j'ai testé que de l'alpha au début et ce que j'y ai vu m'a pas super plu. Mais apparemment, il a beaucoup changé depuis. Donc je fais confiance à ceux qui jouent actuellement. Mais je pense que oui, ça pourrait lui faire plaisir, ça lui rappellerait des bons petits souvenirs. Puis il pourrait faire des trous dans les murs, débouler, tuer des méchants terroristes. Enfin, malgré qu'il n'y ait plus de terroristes maintenant dans le jeu, parce que bon, il faut un peu se polisser, parce que les terroristes, c'est pas super tendance. Donc je pense que ça pourrait lui faire plaisir quand même. Ouais, puis en plus, Chuck Norris, ce serait le seul à pouvoir gagner un siège en restant assis. Oh oui. Alors là, j'ai bien fait d'être venu. C'est bon, je crois qu'on peut s'arrêter là. Je crois qu'on n'aura jamais mieux. Bonsoir. Et ben voilà, chers auditeurs, merci de nous avoir Noël, écouté. C'était cadeau, hein. C'était jeu. Non, mais c'est Barberousse qui a commencé. Non, aussi. Franchement, je valide. J'ai rigolé. Je suis ton exemple, c'est tout. Mon Dieu. Et ben écoutez, très bien. Bah, donc Chuck Norris va être gâté ce Noël. Il y aura plein de bons jeux. Donc Broforce, Batman, Life is Strange et donc Rainbow Six Siege. Et donc on va continuer tranquillement sur cette année 2015. Et donc c'était une année riche en jeux. Ça on a déjà dit un petit peu. Et il y a une personne parmi nous qui s'est rendu compte qu'il y avait en plus de toutes ces grosses licences habituelles des surprises qui ont réussi à émerger de tout ça. Et donc c'est Matt qui nous a parlé de plein de jeux et qui a envie de vous parler justement de plein de jeux. Alors qu'est-ce qui t'a marqué en dehors des Assassin's Creed habituels, des Call of Duty et patati et patata, mon petit Matt? Bah justement, effectivement, beaucoup de choses. Alors malheureusement, j'ai pas encore pu jouer à tout parce que, bah voilà, mon backlog, oui, on sait. La longueur de mon backlog est légendaire backlog, comme celle de ma patience. Mais de si ma tu patience. Veux, la prochaine fois, on fera avec une année de retard, on fera 2014, ensuite en 2016, on fera... Mais franchement, ça m'arrangerait, quoi, je pourrais te parler de plein de choses. Faut faire une émission hors série. Alors la Super des Nintendo, vieux trucs achetés pendant les soldes. Parce que là, bon, cette année, quand même, t'as eu des trucs sortis de nulle part dont personnellement j'avais jamais entendu parler avant la sortie, comme Rocket League, bah, qui est le plus marquant. C'est vrai, gros succès de Rocket League, ouais. Super Rocket porté League. Par le PlayStation, le PS Plus, non? C'était ouais, l'abonnement. Du coup, tu l'avais gratuit, c'est vrai que ça a vraiment gonflé d'un seul coup. Et même moi, d'ailleurs, qui, bah, je savais même pas ce que c'était du tout. Hein, tu fais deux parties, hop, c'est parti. Quoi. C'est là, tu te lances, ça, tu lances. Ça se prend. C'est foutu. Ça a même marché sur Madame. Oh. Donc, c'est pour dire. Mon Dieu, ça, le mariage, ça change une femme. Hein, je te le dis. Complètement. C'est au début, ça. C'est ça qui est dingue avec ce jeu. Ça se prend en main très vite. T'as l'impression de faire de la merde au départ, mais au final, tu prends ta voiture, tu le renvoies balader contre la balle, et puis au bout d'un moment, ça et marche. En plus, tu fais de la merde. C'est très fun, très et vite. Tu t'amuses quand même. C'est ça qui est génial, c'est que même t'es pas frustré. Le jeu ne te frustre jamais. Les parties sont très rapides, 5 minutes, donc. Exactement. Bien calibré. Et en plus, on va en parler aussi au fur et à mesure de l'émission, parce qu'il y a pas mal de jeux de ce genre-là qui reviennent. On peut jouer à plusieurs sur le même canapé. Bon sang. C'est quand même incroyable. Assez le retour du split screen. Ouais, split screen. Très bonne émission de cinéma d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez les écouter, c'est absolument fabuleux. Et donc Rocket League, en plus de ça, qu'est-ce que tu as d'autre à conseiller aux gens pour 2015? Ah, des choses énormes comme Her Story. Ah, que je n'ai pas fait. Mais ils vous le recommandent. Donc, mais je vous le conseille. Il faudrait que j'essaye. En plus, ça coûte pas cher. Ça coûte 5 euros. Mais toi, tu vas attendre qu'il coûte 10 centimes, je pense. Parce que... Bah oui, là, c'est encore un peu haut. C'est encore un peu haut. Je check ça sur SteamDB, mais c'est encore un peu cher. Je t'apprendrai comment on fait Creepers. Et quelqu'un l'a fait Her Story, Barberousse? T'as déjà tenté l'expérience? Pas du tout. Du tout non plus. Tu peux expliquer Matt, ce qu'est Her Story? Parce que c'est assez particulier quand même. Ah, c'est un jeu qui on est à la limite de l'appellation jeu en fait. Donc on est devant des vidéos, en fait, on a accès à plusieurs interrogatoires d'une suspecte ou témoin, on ne sait pas trop. Visiblement, ça joue sur cette ambiguïté. Et voilà, le but est de remonter le fil de cette histoire, de l'enquête dans laquelle elle est liée, et voilà, arriver à dénouer le coupable de cette intrigue. C'est un jeu FMV avec une véritable actrice. Donc rappelez-vous l'époque, hein, du Mega CD, de tous ces jeux absolument fabuleux. Comment il s'appelait déjà le jeu dans la mer? À chaque fois j'oublie ce nom. Vous savez, Phantasmagoria. Non, ouais, il y avait Phantasmagoria aussi, le jeu dans la avec les vampires qui marchaient comme des cons là sur Mega CD. Ah, Night Trap. Voilà. Ah oui. Ah, oui, avec l'actrice d'Arnold et Willy qui me faisait baver à l'époque. J'avais très envie de jouer à ce jeu et il valait mieux pas en fait. Donc c'est ouais, voilà, donc Her Story, c'est avec une actrice qui est filmée, c'est un interrogatoire directement filmé, donc c'est une sorte de jeu d'enquête en fait, où vous relevez un petit peu les indices en recherchant sur internet, parce que vous avez carrément une interface de PC, je crois, de l'époque de police, et donc on travaille un petit peu avec tout ça par rapport aux dates, par rapport aux témoignages, etc. Et il semblerait que ce soit vraiment intéressant à jouer, donc je pense que je me laisserai tenter très bientôt. En plus c'est pas très très long, je crois, en 2-3 heures tu peux boucler un petit peu l'aventure. Ouais, j'avais vu que t'avais noté Ori aussi, si je me trompe pas, que j'ai pu commencer et qui est absolument fabuleux d'ailleurs. Ori, bah oui, dans la veine des jeux indépendants qui ont une patte artistique complètement folle, au niveau musique et niveau qu'est-ce que design, c'est beau le début, ça m'a arraché le cœur, c'est la puissance d'un Pixar le début, je trouve, alors c'est une sorte, vraiment il te place l'histoire avec des petits mouvements, avec des petits personnages comme ça. Et moi, ça m'a arraché mon petit cœur. J'étais vraiment pris. Moi, c'est mon jeu de l'année, Ori. C'est très très bien. Tu vas en parler un petit peu, peut-être. Non. Ouais, moi, c'est mon jeu de l'année, Ori. Malgré tout ce qu'il y a pu avoir, c'est celui-là qui me revient tout de suite pour tout ce que tu dis, pour l'émotion, pour la musique, pour la patte artistique. Mais pas seulement ça, c'est aussi un jeu. Et pas un jeu facile, ouais. En plus. Qui reprend des mécanismes de jeu très connus, hein. Il invente rien de particulier, mais c'est également très bien fait en tant que jeu. Moi, j'ai passé un superbe moment sur ce titre. Voilà, j'ai adoré. Pour moi, c'est le titre de 2015. Oh là là, écoutez la musique. On va laisser un tout petit peu la musique. Ouais, surtout que la piste est terminée. Ah, mais quel salaud, oh là là. C'est pas possible. Bon, bah, tant pis, vous l'aurez entendu un petit peu derrière. Faites-nous confiance, la musique est belle. Voilà, voilà, l'OST est magnifique. On peut l'écouter d'ailleurs sur Spotify, hein, si vous voulez vous laisser tenter un petit peu pour plonger un peu là-dedans. Mais c'est un jeu qui est vraiment superbement réalisé, avec un très bon rythme, et voilà, un système de jeu qui reprend un petit peu, vous savez, les jeux à la Castlevania. Enfin, on dit ça souvent, mais c'est plus Metroid que Castlevania. Vous avez une map entière et vous débloquez des pouvoirs et vous pouvez avoir accès un petit peu à d'autres niveaux au fur et à mesure. En tout cas, on vous conseille Ori, c'était vraiment très très chouette. Bilou, est-ce qu'il y a des jeux sortis des grosses licences qui t'ont surpris, toi, cette année, justement? Des jeux qui sont d'un seul coup débarqués et qui étaient plutôt cool? Bah, comme je disais dans l'intro, le Dirt Rally m'a vraiment bien fait plaisir, comme retrouvaille un peu avec le monde du rallye comme ça. Sinon, après, pas énormément, faut dire que bon, moi j'ai pas vraiment l'habitude de jouer aux jeux qui sortent, qui viennent juste de sortir. En bonne grande radasse du PC, je paye des soldes et des jeux qui ont 2-3 ans et que tu payes à 5€ pendant que les joueurs consoles ils y ont joué un mois et qu'ils l'ont payé 70€. Mais plus personne paye ces jeux 70€. C'est pas être radasse, c'est être intelligent, c'est tout. Oui, c'est voilà. Pas pareil. Enfin, plus personne fait ça. 70€, enfin, moi je connais plus, hein, personnellement. Bah ouais, bon, c'est vrai que c'est un petit peu baissé. Bon, 60, ça. Ouais, voilà, 60 ou 59, 99, c'était le poids mauvaise foi. Ah, tu m'étonnes. Mais ouais, donc en fait, ouais, j'ai pas joué à grand chose de neuf, à part le seul jeu qui vaut le coup, de toute façon, quoi qu'on en dise, qui était MGS5, évidemment. Décidément. Entre The Witcher et MGS5, on va toucher des sous, moi je vous le dis. Ah, j'ai... Puis ça, c'est pas des licences habituelles. J'ai chopé Witcher pas cher non plus, hein. Moi, j'ai vu une solde, si j'ai pas pu résister, je l'ai pris, mais j'ai pas encore joué non plus, trop de trucs à faire, trop de choses, pas de temps. Tu es un homme occupé. Voilà, très. Mais, c'est bien si tu l'as payé déjà. Pour un joueur PC, c'est bien. Je paye tout le temps mes jeux, ça ne sert plus rien. Le mec qui vient me voir en me disant qu'il pirate ses jeux PC, je lui mets deux claques et comme disait mon ami Chuck Norris, c'est la bite dans le Tupperware, quoi. Parce wow, que, quel homme. C'est vraiment, il faut le faire exprès, c'est pas possible, faut vraiment être, c'est pas possible. T'es dans tes bottes, toi, t'es quelqu'un de bien. Oui, mais même, je veux dire, même, c'est, faut être un salaud, je veux dire, avec tout ce qu'on a, toutes les offres qu'il y a, même si au pire, on va sur le marché gris, un peu, des sites de clés, tout ça, pas vraiment les trucs un peu dégueulasses et tout, hein, vraiment, juste ceux qui jouent un peu sur les prix, sur la TVA, tout ça, il y a moyen d'avoir des prix vraiment pas chers, donc, tous les mecs qui veulent pirater des jeux, qui se font chier avec des trucs qui marchent pas, c'est vraiment, il faut le faire exprès, quoi. Vous l'aurez compris, mais... vous qui piratez, salaud. Voilà, c'est clair. Salaud. C'était... On aura votre peau. on va tous vous flinguer. Salaud du podcast. Je dénonce. Juste pour revenir, le mec il dénonce. Je suis fou, moi, je suis venu là pour vous défoncer, bande de salauds. Tu parlais rapidement de Dirt, c'est toujours Codemaster qui est derrière tout ça, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en berne, Codemaster, depuis un petit moment. C'est une bonne question. Il est sorti il y a tellement longtemps que je ne sais plus qui fait quoi exactement sur Dirt Rally. Je me demande, oui, je crois, il faudrait vérifier exactement, mais je me demande s'ils sont pas revenus dessus après un bon moment de vide un peu, autant sur la licence où ils sont un peu perdus. Tout le monde s'est un peu perdu, hein, sur les licences de rallye, en partant dans tous les sens, un peu en faisant de l'arcade, des trucs injouables et tout ça. Et là c'est vraiment revenu à quelque chose de bien aux roots, quoi, vraiment aux racines, un peu du jeu de rallye. Alors ceux qui vont jouer beaucoup, hein, j'en connais qui viennent y jouer, ils disent « Oh là, c'est chaud !» Moi-même, j'ai commencé, j'ai pas fini sur 4 roues. Hein. Je devais en avoir peut-être 2 ou 3. C'est formidable. Pas sûr. Ah oui, non, mais la voiture ne ressemble à rien, c'était une horreur. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ?» Donc, vas-y, alors. Ah oui, non, je sais pas si c'est au point vraiment d'un truc vraiment très punitif, tout ça, mais alors au début, oui, c'est vrai que c'est... Il faut pas se fier à ce qu'on va faire au début. Hein. Si vous y jouez sur console... Vraiment, il faut s'investir. Bon, après, il y a des réglages de volant, tout ça. Enfin, volant, c'est le truc rond, là. Ouais, parce que si je jouais avec ma croix directionnelle, c'est mort. Ah, peut-être qu'ils vont l'adapter, hein. Après, peut-être qu'ils vont faire des adaptations, mais vraiment, ce serait se gâcher un peu. Enfin, pour moi, un jeu de voiture qu'on joue sans volant, déjà, pour moi, c'est une ineptie. Je dénonce encore une même fois. Mario Kart. C'est pas un jeu de voiture. Bah, si, il y a le volant, oui, là. Je tourne, là, comme ça. Le truc de merde, là. On mettait la Wiimote dedans et on tournait dans le vent, là. Il y a même un volant pour ça, mais bon. Tu me souffles un peu dans les cheveux, je m'y crois. Hein. et on balance des carapaces aussi sur la tête. Ou... Non, non, avec la main pour faire les embruns, ouais, ça fait outrun. Exactement. Ah bah la borne, il y avait la borne là qui faisait du vent là. Exactement. C'est ça, je crois. Ouais. Ron, il aime bien les bornes qui font du vent. Ouais. Ah ça, j'aime ça. Enfin bref, tout ça pour dire que ouais, je suis content de ce que ça a donné. Ça a été un peu ma surprise, un peu qui a déboulé un peu de nulle part parce que je suis moyennement l'actu depuis un moment, donc j'étais vraiment content. J'ai mis tout de suite mes billes dedans et puis le jeu est arrivé peu après et puis vraiment une bonne surprise. Graphiquement qui est très propre, qui est très bien, vraiment très très sympa, et je vous conseille d'y toucher ainsi hein, quand il sortira sur console. Déjà rien que pour les féliciter un peu d'être venu justement à des bases, à quelque chose de moins bling bling, les vieux Dirt avec la voix off, tout le reste c'était vraiment c'était pas terrible hein, c'était vraiment un peu le côté Fast and Furious, allez on va un peu draguer les petits jeunes et tout, c'était pas terrible, et là ils sont vraiment revenus quelque chose de bien sympa. Je suis content. D'accord, 2015, surprise, Dirt. Dirt Rally, attention. Barbarous qui te dit ça, qui a un petit bruit un petit peu... Ça me fait penser bizarre. Qu'on n'a pas eu de jeu Fast and Furious, c'est un peu Non, c'était l'année dernière qu'il y en avait un, c'était pour le 6, je crois qu'il y avait un Fast and Furious chez Activision, particulièrement dégueulasse. Ils ont tenté, ils ont essayé, personne ne les a remarqués, c'est tant mieux. Et puis ils ont fait une murale, alors. C'était pire que le jeu Walking Dead, là Ils sont forts, Activision, quand même. Ouais, Walker Dead, ouais. Bon, oh, stop. Oh, je vais passer à Ron. Ron, 2015, il y a eu des surprises. Bah, j'ai déjà un peu parlé de Ori, mais je voudrais en parler d'un vas-y, autre. Vas-y. Oui, là, bon. T'es sûr? Juste un petit mot sur King Quest que je suis en train de faire. Donc, celui-là, je l'attendais, je dois dire. Parce que j'avais été pas mal séduit par la patte graphique du jeu quand je l'avais vu à l'E3. Ouais, c'est comme ça, moi, je vais voir les jeux à l'E3, tu vois. Je vais les voir une fois par an à Los Angeles. Le reste, c'est de la merde. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Les gens qui voient les jeux autre part qu'à Los Angeles, je veux dire, c'est comme les gens qui piratent les jeux sur PC. Salaud! Les flinguer, c'est salaud! Alors, ce King Quest, il me plaît beaucoup parce que c'est un vrai retour aux sources. Alors, déjà, c'est du point and click et moi, j'aime bien ça. Et on retrouve le mélange aventure et humour complètement décalé qu'il y avait donc à l'époque, hein, seuls les plus vieux s'en souviennent peut-être de King Quest, hein. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et c'est un vrai plaisir. Alors c'est en forme épisodique, comme ça se fait beaucoup, mais à noter comme que le premier épisode, bah, il m'a fallu 5 heures pour le faire. Là, tu prends trop d'avance là. Le premier épisode, c'était 5 heures de jeu. Le deuxième, je l'ai commencé hier. J'en suis à plus de 2 heures. J'en ai pas vu le bout. Enfin bref, c'est du jeu qui se fout pas de la gueule du monde. Et ça aussi, ça fait du bien. Contrairement à d'autres jeux comme. Non, on va en parler. Et l'épisode 2 est déjà dispo ou pas? T'as peut-être déjà dit. Ouais, il est depuis hier. Donc toi, c'est King Quest, t'as un petit peu surpris cette année. Du coup, je ne sais plus avec toutes ces conneries si Barbarous a déjà parlé de ces jeux surprenants. Barbarous, dis-moi, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a surpris en 2015? Alors, j'ai bien envie de dire Witcher 3, mais sachant que je suis absolument pas surpris. Non, je vais changer, je vais vous dire Shovel Knight. Ah oui. Ah ok, il est sorti en 2014, d'accord. Déjà, c'est un jeu. Il est sorti en boîte, là. Donc, tu peux le reprendre. Il est sorti en boîte sur console, récemment. Ah, sur PC. Surtout, il y a eu un DLC gratuit. Parce que, ils font des DLC gratuits. Gratuits. Vous vous rendez compte, les consoles? Cet homme ment, je ne le vois. Comme sur Halo? Si, c'est tout à fait possible. Puis, en gros, le DLC introduit un nouveau chevalier. C'est Plague Knight. Et, c'est du Megaman. C'est du Megaman et c'est trop bien. Ils sont cons parce qu'ils ciblent une clientèle de personnes âgées, on peut dire. Et qui a priori le plus haut pouvoir d'achat, ils font des DLC gratuits. Merci, c'est là que je comprends pas la logique. Vas-y, continue de dire des conneries, vas-y. Non, vas-y, continue de dire de la merde. Hein. Alors, peut-être le plus gros pouvoir d'achat, mais par contre, avec des habitudes un peu moins connes que les joueurs d'aujourd'hui qui trouvent normal de payer des DLC. En plus, sur le jeu, là où ils sont très malins, c'est que tu as. Alors, en plus, faut être, c'est des graphismes qui tendent vers le 8 bits, mais c'est quand même plus beau. Jeunesse, faut pas déconner non plus. Et voilà, c'est très très beau. Et le gameplay est quand même adapté à ce qu'on sait faire à peu près maintenant, donc ça reste fluide, agréable à jouer. C'est super agréable à jouer. Enfin, on a connu un peu ces jeux-là. Ah, moi, d'accord. Je me régale complètement. Et je trouve beaucoup moins rigide quand même qu'un Mega Man à jouer. Et en plus, là, je tiens dans mes mains le formidable Amiibo, Shovel Knight. Je suis en train de le caresser, donc c'est formidable. Oh, la fashion game. Et ce qui est dingue, c'est que cet Amiibo est aussi un DLC. Donc cette fois, moi, je l'ai payé, vous voyez. Donc il y a du contenu supplémentaire sur Wii U exclusif, ce qui est un mode coopération, je crois. Parce que je l'ai pas encore déballé, hein, parce que je suis un peu un malade. Ah bah oui. Mais en tout cas, ouais, Shovel Knight, tu as raison. Bande son de ouf, jeu de ouf, très bonne durée de vie, c'est vraiment un très très bon jeu avec plein de belles références. Donc c'était une excellente surprise pour moi aussi, Shovel Knight. Et surtout, la bande son disponible sur Bandcamp. Exactement. Ouais. Jake Kaufman en a fait une bande son de ouf complète. C'est génial. Gros hommage à tous les Megaman, tous les styles des musiques des Megaman. Jake Kaufman est très bon, il avait réussi. C'était un des seuls points positifs à l'époque quand j'avais un petit peu détesté le remake de Double Dragon, le Double Dragon Néon. Avec du recul, c'est pas si mauvais que ça. Mais en tout cas, la BO était juste fabuleuse. Et il arrive vraiment à s'adapter au style de jeu. Et c'est juste incroyable quoi, ce qu'il fait, Jake Kaufman. Allez jeter vos oreilles sur le Bandcamp et n'hésitez pas à acheter ses musiques. Moi, je fais de la pub pour tout le monde, je suis un mec généreux. Bandcamp, c'est vachement bien, ouais. C'est pas trop cher, t'as très très bon. Tu vois, encore niveau tout, cohérence, c'est pourquoi faire un effort comme ça sur la bande son pour des personnes âgées donc qui n'entendent plus grand chose? Ah, mais il y a des casques maintenant. Exactement. Ah, bon. C'est là. Alors qu'on a fait le tour, je pense, un petit peu des petites surprises de 2015. Bon, ça coupe aussi vite que ça arrivait. Donc 2015, tourner, c'était des petites surprises, et on va continuer notre petite rubrique mystère. Alors, quel jeu offrir à, et là on aura, quel jeu offrir à un joueur console pour lui montrer que, merde, un PC, c'est plus mieux que ton grippin de merde. Alors, Barberousse, qu'est-ce qu'on offre à un joueur PC pour lui montrer que le PC c'est quand même super la classe? Un joueur console, Merde, on raconte n'importe quoi, effectivement. Quel jeu on offrirait à un joueur console pour montrer que le PC, c'est quand même super cool? Bon, alors déjà, il faut y acheter un jeu, il faut y acheter un PC, il faut y acheter deux écrans, il faut y acheter un OTAS, il faut y acheter l'Oculus Rift ou le SteamVR, qu'est-ce qu'on offre à un joueur riche? Donc ça va coûter un bras, quoi. On offre Elite Dangerous. Mais il est pas sur console? Ah, mais laisse-le. Bah, c'est si. Con, ok. Laisse-le. Ah, mais attention, mais il faut lui... Mais il faut y jouer bien, parce que dans les portes de merde, c'est quoi c'est? En plus, il est super. Mais ça, Germain G, qui est fan de Elite Dangerous, d'ailleurs. Donc, en gros, Elite Dangerous, c'est la suite spirituelle de Elite, développée par Frontier Development. C'est surtout géré par le papa original de Elite, David Braben. Alors, pas grand-chose à dire pour ce jeu, parce que, en fait, c'est juste un putain de kiff. C'est de la simulation spatiale, il y a vraiment de la simulation. C'est une simulation de Space Trucker ou de Space Pirate, suivant comment vous jouez, en fait. C'est une vraie simu, puisque de toute façon, tout le monde commence le jeu avec une Twingo toute nulle, mais vraiment un truc tout pourri. Et bien, il faut bien commencer quelque part. Hein. Et surtout, c'est une simulation, parce que quand on passe à peu près 2 heures pour réussir à pontée dans une station spatiale, moi j'appelle oh ça la vache. C'est un peu Eurotruck Simulator, mais avec des vaisseaux, quoi. En beaucoup plus cool, parce que tu peux autant... T'as des posters de femmes à poil dans les cabines, en DLC. D'Alien. Il y a des posters de Thalia à poil sa combinaison. Mais voilà. Donc, et ça, c'est rien que à ponter dans la station, parce qu'il faut déjà arriver à rentrer dans la station sans taper dans les bords ou se faire démonter par les droïdes de sécurité, parce qu'on a rebondi sur un mec qui vous a grillé la priorité à droite, oh, bordel de merde. Non, c'est... La priorité à droite existe dans l'espace? Oui. Bien le sûr. C'est que la droite est relative, donc c'est un peu compliqué. Ah oui, merde. C'est la priorité en haut à droite. Voilà, mais ça dépend de quel sens tu es, en fait. Et c'est vraiment de la simu, parce que c'est un jeu qui peut aussi bien se jouer juste simplement à la manette, mais aussi s'apprécier avec tout gros arsenal de trucs de ouf, des hotas, des manettes de gaz, des joysticks. Et surtout, il est compatible avec tous les Oculus Rift SteamVR de la mort, et c'est pour une immersion totale, c'est juste complètement dingue. Ah, non, j'ai changé de PC pour ce jeu et pour Witcher 3, L'Oculus, ça va venir. Le Otas, ça va venir. Le Trip, il va venir aussi. J'ai le jeu, là, il m'attend. Et c'est juste un truc de fou. Mais il faut vraiment apprécier ce genre de jeu de simulation. C'est vraiment de la simulation spatiale. Donc c'est avec du tir, etc. C'est j'ai entendu donc la version Xbox One, ne riez pas, était plutôt potable en tout cas, mais c'est vrai qu'à la manette, vu le nombre de, je pense, de manipulations qu'il doit y avoir à faire avec ça. Il y a un peu beaucoup de choses à faire, donc la manette, ça me fait un petit peu peur. Hein. Nous on connaît des gens qui jouent sur PC et sur Xbox One et qui décrochent pas de la version Xbox One, comme quoi elle doit pas être si dégueu que ça. Moi, ça fait, c'est un des jeux que j'ai pas osé jouer par peur de, oula, je sens que si je mets le doigt dedans, je m'arrêterai jamais. Il y a tellement de trucs à faire. C'est un des plus gros dangers, mais. Et oui, alors peut-être que sur PC, il est vachement mieux et que ça fait grave envie, mais sur Xbox One, il est quand même foutrement beau et c'est pour ça que ça m'a fait peur et que j'ai voulu m'y mettre. Oui, mais sur Xbox One, est-ce que tu peux brancher 3 écrans? Oui, mais il y en a deux qui sont éteints. Je sais pas, de toute façon, j'ai pas les moyens, moi. J'ai pas les moyens, je suis pas un joueur PC. Ah, quel dommage. C'est normal, en plus, pour la petite info, non, il est en promo. Non, je parle de Rhône, sur console. En plus, il est en version, on peut y jouer une heure, je crois, donc autant dire que ça sert à rien sur un jeu comme ça que de jouer une heure. ça sert à demi-tuto, tu as appris à faire demi-tour de avec ton vaisseau, c'est super. Mais voilà, je sais qu'on peut déjà, sur les jeux Xbox One, un petit peu comme ça, en early access, on peut tester un petit peu le jeu avant. Mais donc, il est bien sur Xbox One, je crois qu'il est vendu en une trentaine d'euros, 45 euros, je sais plus. C'est dans ces eaux-là. Il y a beaucoup de promos maintenant sur Xbox One aussi. C'est quand même génial, la Xbox One. Merci Xbox One. Juste pour ajouter un petit truc, pour l'instant, le jeu est limité aux vaisseaux purement spatiaux, aux voyages entre stations, l'uminage et de la chasse à la prime. Mais une première extension est sortie il y a quelques jours qui s'appelle Elite Horizon et elle permet des entrées atmosphériques, d'aller sur les planètes et tout. Et à 2016, je vais te faire ma race. Mais elle coûte combien? Là, elle est un peu chère, elle est quand même à 50 euros. Ouh! Ah ouais, vraiment? Tu vas pouvoir. Mais après, je pourrais vous parler moi, de Star je demandais Citizen. Pour déconner, en fait. Ah putain, Star Citizen, on a déjà fait le point Star Citizen il y a pas longtemps, et je croyais que ça fait plutôt peur, et je pense qu'Elite Dangerous a de beaux jours devant lui. Ils ont juste passé les 100 millions, Star Citizen, tout putain. Et vous ne verrez pas le jeu. Matt, Football Manager pour toi, c'est ça? Bah, on passe d'un jeu de simulation à un autre. Mais... Désolé, j'ai pas de musique de foot, j'ai fait Hitmer Radio Barefoot, j'ai pas trouvé. C'est bien dommage parce que, voilà, Football Manager, c'est la quintessence du jeu PC, c'est joueurs supérieurement intelligents qui peuvent voir plusieurs statistiques sur un joueur, faire des spéculations sur son prix, voilà, c'est un jeu qui est quasiment donc parfait. Moi, le joueur bovin, je peux te dire que je n'ai jamais compris. Je ne peux pas. En même temps, je m'en fous du football. Je te félicite de cet aveu. Ah, tu es un homme de bon goût. Non, mais c'est bien de l'avouer. Ah, merci. On aime tous les Chuck Norris, donc de toute façon, c'est normal. Voilà. Mais c'est quand même le jeu où la seule chose qui m'a sauvé de la honte d'avoir des dizaines de milliers d'heures de jeu, c'est le fait qu'il y ait une édition chaque année. Du coup, les heures se diluent sur plusieurs jeux. Ah, on le voit pas venir, c'est vrai. C'est ça, c'est toujours sympa de jouer sur une vieille version où tu peux encore acheter Lilian Lasland. Les vrais savent. Bon, là, je te rejoins, Matt. Mais tu joues vraiment. Obligé de le dire. C'est impossible. Mais tu joues vraiment à Football Manager. Je suis d'accord. Ah, mais oui, d'accord. J'adorerais. Le seul jeu qui m'a sorti de ce marasme, c'est Binding of Isaac et après Diablo. D'accord, ok. Donc, t'as plein de jeux dans ton backlog. Et mais tu oui, joues à cause Football de Manager tout le entre temps. Entre autres. D'accord. Mais c'est vachement bien. Non, mais moi, j'ai pas une bonne vision de la chose. Je n'aime pas le football. Donc, de toute façon, c'est perdu pour moi. De toute façon, mais il y a eu des versions PSP, je crois. Ça doit être génial de jouer sur PSP. Bah, t'as juste à télécharger Excel, hein. C'est pareil. Avec des petits c'est points qui vont de gauche à droite de temps en temps. En regardant les matchs avec les petits points. Bon, on va aller dépassent. Vers un vrai jeu. Désolé pour les fans. Frone, c'est quoi ton jeu pour les joueurs console? Alors moi je dirais ouais pour convaincre un joueur console que le PC c'est vachement bien, je voudrais leur parler d'un vrai jeu PC parce qu'il semblerait que les joueurs PC aient un vrai problème avec les joueurs console, je sais pas d'où ça vient. Moi que je suis un joueur console, j'aime bien aussi les jeux PC, je vois pas trop où est le problème. Et je voulais leur proposer Fallout 2 parce que ça existe pas sur console et parce que c'est un des plus grands jeux qui a été fait de tous les temps. Et que même si c'est vieux, même si c'est moche, même si c'est pas en 1080p, même si c'est pas en 60 FPS, je pense que n'importe qui de constituer tout à fait logiquement comme un être humain quand il commence à jouer à Fallout 2, une fois qu'il aura fini de dire juste « Ouais, c'est un peu moche, etc. », eh ben, il va faire comme nous quand le jeu est sorti. Il va juste pas décrocher parce que c'est un des plus beaux jeux qui a jamais été fait. Et ça se joue sur PC parce que la représentation du jeu fait que c'est plus pratique sur PC. D'accord. Donc Fallout 2, voilà. D'ailleurs, est-ce que là, on peut faire un petit point Fallout 4, Barberousse? Est-ce que tu as réussi à jouer sans avoir de crash de temps en temps? J'irai je quitte au bout de 25 Ouf. Heures. Bah, quand même 25 heures, hein, c'est mon temps de jeu de l'année, heures. Dis-moi. Non, j'en ai vraiment marre, j'ai perdu un follower, j'ai perdu la moitié des T'as trucs. Perdu un follower. Vraiment... Puis il était bien sûr. Oh merde. J'en ai eu marre, ça m'a fait. Vous êtes battu? Non, mais pas. Même pas? Oh merde. J'étais battu par le jeu lui-même, j'ai pas pu le récupérer, même en faisant des bidouilles de la console, récupérer les anciennes sauvegardes. Oh merde. Donc j'ai lâché l'affaire. Donc, trop de bugs, trop de trucs, insupportable. Donc, au revoir Fallout 3, et donc rejouer à Fallout 2 qui se trouve pas cher régulièrement un petit peu partout. Et surtout, Fallout 2 a un patch HD qui va permettre de le faire passer correctement sur les PC actuels. Oh bon. Vous tapez juste Fallout 2 patch HD sur Google, puis vous trouverez ça. Ça, c'est l'avantage. Ça, c'est l'avantage du PC. Là, c'est là, bien. On peut le dire, quand même. Franchement, en plus, quand on voit que Fallout 4 pourra avoir, en plus, des patchs, mais des mods, ça va être génial d'avoir un jeu qui est buggé de partout avec des mods pour pouvoir le sauver. Ils sont pas bêtes, en fait, parce qu'ils se disent, on va quand même le faire sur console, parce qu'ils vont pouvoir peut-être l'aider sur console, le jeu. Ils sont plutôt malins chez Bethesda. Mais surtout, il est pas cher sur GOG en ce moment. On en avait parlé pour l'épisode post-apo. Ouais, il est déjà pas cher. Il est encore pas cher. Et il va fonctionner sur vos PC. Eh ben, allez, foncez donc sur Fallout 2. Et si tu es un joueur console et que tu as même une petite bécane, du coup, bah, tu peux jouer à Fallout 2. Et tu verras que l'histoire est incroyable, n'est-ce pas, Ron? Absolument. On peut même y jouer sur Minitel, je crois. Alors, Bilou, tu es concentré, toi, sur la terre. Hein, tu aimes les traces de pneus, les dérapages. Que tu vas encore parler d'un jeu de course qui est toujours le même. Et oui, toujours. Alors, j'ai pas joué qu'à ça, hein, non plus. Alors, on a l'impression. Mais, non. Surtout que ça fait longtemps en plus que je l'ai lancé. Là, j'ai pas testé les dernières nouveautés. Mais c'est un peu le jeu qui m'est venu à l'esprit, qui n'est pas encore sur console. C'est donc évidemment, vous l'aurez deviné, Dirt Rally encore une fois, parce que bah c'est encore une simulation en plus. Hein, on les accumule là. C'est une simulation de traces de pneus, quoi. Ah, mais du bon goût. Bonjour. Ouais. Une simulation d'Ariel. Mais oui, non, c'est pas propre du tout. Hein. C'est bien crade. Hein. C'est un truc d'homme. Voilà. Non, vraiment. Si c'était pas prévu sur console, j'aurais dit payez-vous un PC pour jouer un vrai jeu de rallye si vous aimez un peu les trucs un peu simulateurs. Mais comme il va arriver, bah, les choses sont bien faites. Hein. Vous pourrez y jouer aussi sur console. Il y en aura pour tout le monde du Dirt Rally. Ça sera formidable. Alors Matt essaye de m'influencer en écrivant pour moi Euro Truck Simulator. Autant vous dire que je pense que vous jouez à tous les jeux de simulator du monde, c'est 5 minutes peut-être. Alors, moi ce qui peut-être que vous pouvez m'éclairer, mais quand je vois des fois des let's play où on voit des gens jouer à Euro Truck Simulator faire Paris-Nice en temps réel avec un camion, ça je ne comprends pas. En plus, comme disait Matt, il y a pas du tout les posters de femmes à poil, donc c'est il y a un minimum. À mon avis, il doit y avoir des mods. Il y a beaucoup de mods sur ce jeu. Tu crois qu'il y a des DLC aussi? Ils ont même fait un mode multijoueur qui est un peu bancal, mais oh oui, c'est n'importe quoi. Où les mecs se baladent en meute, en camion. Oh putain. Mais je l'ai essayé à une offre Humble Bundle, je crois. Ouais. Sous la pression de. Ouais, c'est ça. Non, commence pas avec ça. Non, la pression. Non, c'est la pression de d'un pote qui est absolument fan du jeu. Et en fait, c'est assez étrange parce que je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est nul et fascinant. Mais oui, mais tu joues et tu dis, mais en fait, tu peux faire comme en vrai. Et qui n'a pas essayé dans GTA à un moment de rouler normalement? Je veux dire, je pense que tout le monde a dû essayer à un moment. Et ben là, en fait. Trop hardcore! Mais oui, c'est dur. Dans GTA, c'est dur parce que t'appuies à peine sur la gâchette que déjà t'es à 200. Mais là, en fait, c'est ça. Tu le fais vraiment en vrai. Donc t'essayes de tout bien faire comme en vrai avec tes clignotants, tes machins, des Est-ce que t'as essayé de faire comme dans Bras de Fer avec Sylvester Stallone? ça doit être un des rares que j'ai pas vu. Tu vas finir toi. Non, je pense que c'est un des meilleurs. Mais je sais que t'en as parlé plein de fois sur Twitter et je me suis dit, il faudrait que je le voie un jour. Il faut le voir quand je tourne ma caméra. casquette, je fais ah ouais, la casquette à l'envers. Tu vois, Bras de Fer, c'est plein de bons sentiments, plein de Rock FM. Over the Top, regardez mais ce oui, film. Regardez Over the Top, bordel, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce, over que, the qu'est-ce top. Que vous faites là? Je voulais regarder Star Wars alors qu'il y a Over the Top pas cher dans ton bac à solde, bordel. Donc Euro Truck Simulator, le seul jeu qui peut te faire passer pour Stallone dans Over the Top, donc je valide. Merci, merci. En fait, pour expliquer un petit peu ce phénomène, c'est un truc pas très compliqué au final. Tu connais le principe des MMO japonais, ou enfin on va dire asiatique, c'est que tu vas dans un endroit et tu tapes du monstre en boucle comme ça pendant 3-4 heures et tu ramasses des trucs. C'est-à-dire que pendant 3-4 heures, tu réfléchis pas. C'est Diablo ? Là, c'est pareil. Pendant 3-4 heures, tu roules. Point barre. Et tu te vides la tête. C'est ça, en gros, le principe. Et tu peux écouter des vraies stations de radio, en plus. Via internet, tu peux écouter les chansons et entendre Matt de temps en temps. Par exemple. C'est ça, c'est complètement fou, parce qu'en fait, ces gens ignorent qu'ils peuvent vraiment écouter la radio dans la vraie vie. Ou, parce que c'est possible aussi, arrêter, mais en fait, sinon on a inventé la télé-réalité. Ça me paraît tellement triste enfin, que vous dites. Non, non, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est, non, c'est un truc, c'est zen, ce que j'aimerais bien, c'est en fait, voir, c'est comme tous ces jeux de simulateurs, c'est qu'est-ce qu'en pensent les gens qui font vraiment les boulots que on simule en jeu et que des gens jouent. Alors qu'est-ce que en pensent les vrais camionneurs? S'ils doivent se dire, des mecs, ils font ça gratos alors que moi je le fais en étant payé et que ça doit sûrement les faire chier certains. Ou comme ceux de. Mais bon, il paraît que les camionneurs pour se détendre, ils font des simulations de comptables quand ils rentrent chez eux. Non mais c'est vrai, tu vis une autre vie en fait, c'est ça. En fait, tu vis un peu une autre vie. C'est comme tous ceux. Attendez, vous avez vu quand même les ventes de jeux là. J'ai perdu Farming Simulator. Sans oui, déconner, tout à fait. C'est un truc de malade. C'est le jeu PC qui se vend le plus par an, tous les ans, depuis je ne sais pas combien de temps. C'est absolument... C'est vraiment dingue, et j'aimerais bien un jour qu'on fasse une interview de vrais... Non. On va dire, de vrais fermiers. Non, en gros, leur demandant... Bon, si vis sur Mumble, si tu veux, puis on peut essayer. Non, ça va beaucoup trop loin. Je pense que Matt a raison dans le chat. Il faut moi, qu'on je pense arrête. Que je connais des fermiers, je dois pouvoir arranger ça. Non, on ça, arrête, allez, stop. Je pensais pas qu'on parlerait autant de Euro Truck Simulator. Comme quoi, c'est fascinant. Ah non, mais écoute, on te réinvitera pour une émission spéciale simulateur. Ouais. On fera un numéro beaucoup, spécial. C'est juste que c'est vrai, tous les simulateurs sont assez fascinants, je trouve, même en termes social, on va dire. D'ailleurs, des fois, je sais qu'il y a des Chuck Norris simulateurs, ça s'appelle des God Games. Ok. Alors, 2015, on va donner encore une fois la parole à Bilou, puisque Bilou est vénère, on va pouvoir parler de plein de choses un petit peu vénères, on va arrêter de parler de choses sympas. Bilou, tu as envie de mettre le doigt sur quelque chose qui nous a tous fâchés. Donc, il y a DICE dans le coup, il y a Star Wars Battlefront, il y a aussi tout ce qui est campagne de précommande, etc. Donc, c'est un gros bordel. Mais on va te laisser la parole. Oui, encore une fois, j'ai l'impression de monopoliser. Hein, vas-y, mais, vas-y, attends qu'on parle pas de rallye ou de retraite. Tout va bien. Ouais. Alors, ceux qui me connaissent vont encore dire, ça y est, il est reparti encore une fois sur le même sujet. DICE, j'ai gros problème avec eux. Plus le temps passe, plus ils font de la merde. J'ai dire comme c'est. Je ne sais. Franchement, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Le Battlefront sort quand même un peu du lot de tout ce qu'ils ont fait avant, avec des Battlefield précédents. Mais je trouve encore que ils sont tous encore un peu de la gueule du monde en sortant du jeu qui est pas trop fini. C'est un peu foireux. Il y a plein de choses qui. Il suffit de jouer un quart d'heure et tu te rends compte que les mecs, on dirait qu'ils ont encore pas testé leur jeu, quoi. C'est très chiant. Et en plus, pour le Star Wars, on va dire qu'en gros, ils le vendent grâce à l'enrobage Star Wars, qui est bien réussi, hein. Vraiment, je veux dire, l'ambiance, elle est top. Je veux dire, j'ai testé, j'ai pas acheté le jeu après, donc, disons que je suis pas forcément au fait de tout ce qu'ils ont ensuite ajouté, mais je sais qu'au lancement, il y avait des choses qui n'allaient pas, et encore un lancement, tu te dis, où ils ont encore fait des choses, vraiment pas forcément géniales, par rapport aux joueurs, quoi. Je veux dire, en manière éthique, tu veux dire, bon, on se fout encore un peu de notre gueule, quoi. Mais tu parles vraiment de contenu. On parle de contenu. Oui, de contenu, mais même en termes de jeu, même de ce qui est un peu cassé dedans, quoi. Je veux dire, c'est de tout ce qui est respawn, enfin encore les respawns qui se passent n'importe comment dans le jeu. Tu te fais tuer dans l'eau, tu comprends pas, tu réapparais, tu meurs parce qu'il y a un type qui est là, tu te demandes pourquoi il est là. Enfin, il y a des choses qui marchent pas. Après, en termes de contenu, c'est encore autre chose. C'est vrai que le contenu est un peu chiche. Alors après, est-ce que ça vient du matériel de base? Parce que bon, il faut se baser sur Star Wars, donc il faut faire des choses sur ce qui existe déjà. Donc bon, c'est peut-être de ça aussi. Bah, c'est vrai que Star Wars, bah, c'est un petit univers. C'est clair, il y a ça avec, fait pas 40 ans que ça existe. Quoi. Mais ça, c'est pas une excuse, hein. Et puis ça n'excusera de toute façon pas la conception de maps qui sont torchées à la truelle, quoi. Ouais, je pense que ça c'est un de leurs problèmes depuis pas mal de jeux. Je trouve que c'est vrai que tout ce qui est map, quand tu compares par rapport à ce qu'il y a avant, impression que le map designer, et je pense qu'il est temps de lui demander d'aller voir ailleurs. Je pense parce que il y a des choses qui sont puis tu comprends pas vraiment, mais c'est ça le pire, c'est le plus frustrant, c'est qu'il suffit de jouer un peu et tu te dis mais pourquoi, et il y a toujours des mecs qui les vénèrent, qui disent qu'ils font un boulot formidable parce que à une époque ils ont eu des fois tu te demandes si c'est pas le coup de bol de faire Battlefield 2 et de faire quelques autres trucs à côté qui ont bien marché, mais depuis voilà, c'est pour ça qu'il y a par exemple les mecs de DICE de LA. Je trouve les mecs sont 10 fois plus balèzes que le DICE de Suède. Parce que les mecs, ils ont quand même réussi à rendre jouable Battlefield 4 plus ou moins, quoi. Un peu comme les experts Miami, ils sont vachement plus balèzes que les experts. Ah ouais. Franchement. Bah oui, mais ça, bon, ça c'est. Battlefield 4, c'était une belle arnaque aussi. Alors, mais en fait, j'ai l'impression que dès Battlefield 3, ils se sont fait taper sur les doigts. Ça fait, ils ont eu, comme dit Bilou, peut-être qu'ils ont eu, entre guillemets, du bol de faire un jeu qui est avec Battlefield 2 et 1942 aussi qui avait bien marché. Bah, ils ont fait quelques jeux sympas. Les Bad Company étaient très sympas. Oui, c'est vrai que c'était cool. Et en plus, et vraiment DICE, quand ils ont fait des jeux très basés sur le solo, parce que le premier Bad Company était que solo. Ah, puis Mirror's Edge, je suis con. Moi. Oui, aussi ouais, Mirror's Edge. Ils ont fait des jeux solo. Rally Sports Challenge. Ils ont fait un jeu de rally aussi. Tout au début de leur carrière, ils ont fait quelques trucs. Ils ont fait des choses plutôt sympas. Mais dès que on tombe dans le multijoueur. Maintenant, je parle de maintenant, temps moderne, là, on dirait que ça part en vrille, quoi. Quand ils sont sur du solo pur, ça va, à part les solos des Battlefield qui sont, enfin, je veux dire, en termes d'histoire, c'est vraiment pas terrible, surtout celui du 4, c'est tellement rien ne va. Mais après, en termes de bug, y a pas de bug. Tu joues? Oui, c'est vrai, c'est beau, y a pas de bug, mais qu'est-ce que c'est con? Ah oui, non, mais le 4, je veux dire, tu pars du fait que le mec ne parle pas, rien que le héros ne parle pas, tu as une impression que t'es là, mais tout le monde s'en bat les miches de toi, en fait. Mais ça, c'est le défaut de beaucoup d'FPS, c'est que tu... C'est le solo. Tu sais que tu subis. Oui, mais là, c'est pire, parce que ton personnage ne parle jamais, en fait. Il ne parle pas, il ne dit rien. T'es censé être le chef d'équipe, et en fait, tous les gens parlent et prennent les décisions à ta place, comme si c'est toi qui l'avais dit, mais non, ton personnage est muet. C'est un peu comme dans les... Comment dire, si je me trompe pas, hein, les Link ne parlent pas. Mais là, c'est une horreur, c'est une horreur totale, tu sais même pas comment les mecs ont réussi à faire ça. Mais en plus, tu te fais gueuler dessus, mais tout le temps. Oui. Cours, connard, cours, baisse-toi, tire, cours, putain. Mais tu peux pas répondre, tu peux pas leur dire, mais d'ailleurs, tu peux pas leur tirer dessus. En plus, t'es leur supérieur, je crois, dans celui-là. Dans le cas de... Alors, tu sais même pas pourquoi d'ailleurs tu l'es, parce que tu dis rien jamais. Enfin, c'est un qui meurt. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est pas logique que ce soit lui qui prenne le relais, parce que justement, il dit jamais rien. Mais bref, c'est le mime Marceau. C'est exactement ça, et tu te demandes, c'est des choses comme ça où tu dis, mais comment on ose nous balancer ça? C'est pas cool, vraiment. Et en plus de ça, pour le Battlefront, pour revenir à lui, c'est qu'on arrive avec le Season Pass. Ah. Mais le prix. Mais qu'est-ce que c'est? Mais toujours, hein, vous remarquez, à chaque fois, on va toujours un petit peu plus loin. On pousse un peu le bouchon pour tester un peu ce qui se passe. Rappelle le prix. 50 €, hein, si je fais pas d'erreur, 50 €, donc le prix d'un jeu. 50 €. Exactement. Du jeu. Il y a quelqu'un ici qui a acheté le Season Pass. Et le pire, c'est que quand il a annoncé, ils ont même pas dit ce qu'il y avait dedans, quoi. Exactement. Je sais pas si on le sait déjà, là. Je crois qu'il y a eu quelques indications. Ouais. C'est pas encore précisément ce qu'il y aura dans ce superbe Season Pass. Il y aura au moins une map, ouais. Ça fait... Généralement, deux maps par ça fait cher. Ça fait cher en plus. Hein. Ça fait cher. Il paraît même qu'il y aura un free to play. C'est un jeu multi, fait un free to play. Faut arrêter de déconner. Limite, tu te demandes si au final, mais après, t'as l'image free to play, pas terrible, hein. Il y en a qui arrivent à ça. Ça cartonne depuis un petit moment. Maintenant, les free to play, c'est plus le mal, maintenant, free to play. Il y en a qui sont assez équilibrés, pas beaucoup, mais après, bon, c'est pas non plus la politique d'Electronic Arts de faire du free to play avec des jeux comme ça, quoi. Bah, je me demande justement si Electronic Arts, j'aimerais vraiment savoir quelle proportion à Electronic Arts dans toutes ces décisions un peu qui font que, t'as l'impression que les jeux sortent pas finis, les jeux sortent buggés. Après, ça c'est sûr, je sais que DICE aussi, il y a beaucoup de choses à se reprocher, parce que quand tu voyais que les mecs, il y avait des bugs, les types, ils partaient en week-end, ils partaient en vacances, on te répondait sur Twitter que bah non, il y avait personne qui pouvait résoudre ce bug-là, parce qu'il était parti en vacances et qu'il y a personne. Il a le droit de partir en vacances, Bilou. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais oui, mais je veux dire, au moins, si tu pars en vacances, Il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre ta place. C'est pas la photo développeur. Il y a quelqu'un qui peut prendre ta place, quelqu'un qui peut prendre le truc en main. On parle de bug quand même qui détruisait tout le jeu. Je crois que c'était, je ne sais plus c'était quel bug, parce que il y en a tellement eu dans Battlefield 3 que à chaque fois qu'ils voulaient en résoudre, ils en rajoutaient en plus. Donc ça, c'était sans fin. Bah, t'avais un bug pas compliqué, à chaque changement de map, tu déconnectais. Ah, ça c'est bon ça. Oui, il y en a eu tellement. Perso, j'ai pas pu jouer pendant vraiment, deux mois. Moi, je me souviens aussi d'un bug qu'ils avaient mis à jour des armes. Et puis le fusil à pompe qu'on peut ajouter en dessous d'une arme, et ben en fait, quand tu l'ajoutais à certaines armes, chaque plomb que tu tirais, parce qu'ils calculent les dégâts en fonction des plombs dans la cartouche, enfin, c'est assez détaillé, chaque plomb avait la valeur de dégâts d'une balle. Donc quand tu tirais 10 plombs, et ben c'est comme si tu tirais 10 balles, tu pouvais tuer un mec d'un coup à l'autre bout de la carte. Il y avait encore mieux. Tu pouvais utiliser le fusil à pompe en tant que snipe. Tu pouvais dégommer un mec de l'autre bout de la map avec le fusil à pompe. Ouais, voilà, c'était ça, en fait. C'était avec le fusil à pompe qu'on mettait en dessous des armes, ça prenait le dégât de l'arme sur laquelle il était. Et... Mais vous avez pas compris ce jeu, vous avez pas de sens. Ah oui, non, mais là, c'était le 1er avril tous les jours. Et les mecs te disent, non, écoute, on n'a pas trop le temps parce que là, le mec, il est là, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et quand ils faisaient des changements, il y avait d'autres bugs qui arrivaient après. Et t'as vraiment l'impression que les mecs, ils ont pris la grosse tête. Alors, est-ce que les joueurs peut-être de FPS, ils les font chier, hein. C'est vrai que les mecs sont chiants, les joueurs PC sont casse-couilles, les joueurs de FPS sont casse-couilles aussi. Ça, je suis d'accord, mais je sais pas vraiment, je commence à avoir du mal avec eux et j'ai peur à chaque fois qu'ils annoncent un truc. J'étais content pour le Star Wars parce que je me dis enfin le retour de Battlefront, mais en même temps j'avais très peur, j'en avais déjà parlé sur l'oxygène, et au final ça s'est avéré être plus ou moins vrai, parce que oui, c'est fun, moi je me suis bien amusé sur la bêta qui est une bêta qui n'a que le nom, hein, mais non, les bêtas, voilà. Mais je me suis plus amusé. T'es en train de dire qu'une bêta, une semaine avant la sortie, c'est pas une bêta. Ah, ben si, attends, une semaine et tout, ils sont 20, ils vont aller changer tout le jeu. Mais si, c'est une bêta, tester, ouais. Bien, non, mais c'est une vaste blague, c'est juste de la démo, voilà, les vrais bêtas, c'est comme de l'alpha de Rainbow Six, hein, où il n'y a rien qui fonctionnait. Bah là, tu sentais vraiment que c'était de l'alpha, parce qu'il n'y a rien qui marchait. Et là, c'était vraiment une semaine avant. C'était juste une démo, voilà, c'est une démo pour dire, voilà ce qui est un peu, voilà comment ça marche. Et je me suis plus amusé dans les missions coop que en multijoueur au final. Après, s'il y en a qui s'amusaient, tout tant mieux. Voilà, bon, c'est pas grave. Il y en a, et voilà, ils jouent à des jeux, ils jouent 5 minutes par semaine. Hein. Il y en a même un parmi nous, je le citerai pas, qui joue plus beaucoup. Mais, oula, ça balance. Mais voilà, il y en a, ils vont pas jouer beaucoup. Ils sont contents. Voilà, ça leur plaît bien, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que si tu joues un peu beaucoup parce que t'aimes bien le genre, t'aimes bien l'ambiance, tu te rends vite compte des problèmes qu'il y a. Ça tourne assez rapidement. Alors, oui. Je vais te couper. C'est un peu ça. Non, vas-y. Tu parles. Énormément. Tu parles beaucoup. Mais donc, carton rouge pour DICE, et tu as mis le point sur quelque chose qui nous choque tous de plus en plus et qui a un peu explosé ces derniers mois. Donc, c'est le fameux Season Pass. Même Just Cause a son Season Pass. Enfin, j'ai l'impression que tous les jeux maintenant, même les jeux de DICE, sont Mortal Kombat. Il y en a un que j'ai pas retrouvé. C'était un jeu quasiment que solo. Il se retrouvait avec un Season Pass et des DLC. Tomb Raider, hein. Tomb Raider. Oui, c'est possible que ça soit lui. Borderlands aussi. Ouais. Borderlands, bon, après, ils ont rajouté de choses quand même sur, j'ai l'impression, sur Borderlands. Donc après, est-ce que c'est, les extensions sont pas dégueulasses sur Borderlands. C'est peut-être un cas. On a des jeux qui sont bourrés de Season Pass. Alors, c'est quoi votre ressenti global sur le Season Pass, Barberousse? Le Season Pass pour toi, est-ce que c'est vraiment le diable ou est-ce qu'on en abuse juste, comme d'habitude? Ah, mais c'est extrêmement abusé dans 90% des cas. C'est une bonne grosse vache à lait. Vous avez aimé le jeu, vous allez pouvoir continuer l'expérience du jeu, mais il faudra claquer encore 15-20 euros. Alors, pour 90% des jeux, c'est la baise. Pour 10% des jeux, il y a vraiment des bonnes choses comme Borderlands. Faut vraiment faire le tri. Et c'est un peu ça le problème. Ce qui est choquant surtout, c'est qu'on nous l'annonce avant même que le jeu soit sorti. C'est-à-dire, on sait déjà qu'on va devoir repayer pour du contenu. C'est-à-dire, on a fini de bosser sur le jeu, on sait qu'il est gold depuis 3 mois. Par contre, on vous mettra pas tout dedans, on va vous le revendre encore à la sortie, vous aurez déjà des petits personnages, des machins, mais il y aura en plus le Season Pass. Moi, le Mortal Kombat, j'ai toujours pas craqué, hein, je vais le mettre quand même, je vais le dire. Mortal Kombat, j'ai failli hésiter avec Jason, etc. Mais nous vendre un Season Pass de 30 boules pour un jeu de baston pour 3 persos, à un moment, il faudra peut-être se foutre de ma gueule quand même. Oh, c'est vie technique Capcom aussi, comment dire, un Season Pass à 15€ pour 3 costumes c'est pour Johnny. Mais je pense que c'est fini à l'époque où, c'est vrai qu'au départ, l'époque, c'était surtout, on sort le jeu, et puis après, on vous sort le DLC parce que tiens, on a encore d'autres choses. Maintenant, je pense que ça, c'est fini. Je pense que tout ça, c'est réfléchi depuis, dans le process de création. C'est directement intégré dans le jeu. Dès le départ, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu? Qu'est-ce qu'on peut mettre à côté sans non plus qu'on, ce soit trop remarquable et que les joueurs disent, oh là là, machin. Mais voilà, maintenant, c'est systématique. Ah non, je crois qu'ils s'en foutent. Ah oui, de cette étape. Le principe, c'est, on a une mission du scénario qui est pas trop terrible, machin et tout, vous allez l'enlever, puis on va la peaufiner en attendant, et vous me la collez en DLC. Puis vous me mettez une petite ellipse dans l'histoire, puis après on l'utilisera plus tard. En plus, t'as des jeux qui font, t'as des jeux qui sortent, où tu vas payer un season pass, où les gens se rappellent même plus qu'il est sorti 2 mois après. Je dirais, qui pourrait me sortir le nom d'une des extensions de The Evil Within? Bah, il y avait un season pass, tu vois. Moi, je les connais parce que je les ai achetés en promo. Alors, en plus, le truc pour lui, je crois, c'est que t'en as besoin pour bien comprendre le scénario. Ça rajoute vraiment des trucs. Donc, là, c'est encore pire, quoi. Tu dis, si tu veux bien comprendre le jeu, il faut raquer. Ouais, puis c'est hyper insidieux parce qu'on a, moi, je vois ça parce que j'ai un gamin qui va avoir 13 ans, donc qui est la bonne cible, hein, puis qui découvre les jeux vidéo. Enfin, d'ailleurs, faut qu'il fasse gaffe à pas trop jouer. Il vient de finir Rise of Tomb Raider. Son premier réflexe, il me dit, j'ai adoré vivement le DLC. J'ai failli le déshériter à la seconde, quoi. Ah non, attends. Donc, je lui ai expliqué que chez nous, on n'achetait pas de DLC, d'abord, que je l'ai jamais fait, je le ferai pas. Mais enfin, ça montre que, finalement, pour un gamin qui se met à jouer maintenant, qu'est-ce que t'as mal ça fait va, jouer, ben, je comprends pas, à vrai dire. Je dois dire qu'en plus, ça s'est passé hier. Le mec, c'est le grognon. Ouais, c'est incroyable. Voilà, je suis pas bien, je pense qu'il va falloir qu'on en parle, alors je pense que déjà, il aura peut-être pas de cadeau à Noël. Depuis, il a plus le droit à la Xbox, il joue sur PlayStation 1. Je veux dire, ouais, bah même pas, parce que je crois qu'il aime bien aussi le rétro, je lui montre des trucs, donc comme punition, ça marche pas. Mais ça montre que finalement, c'est hyper insidieux ce truc-là, parce que si on te présente ça comme un modèle normal, et comme Creepers l'a souligné, même un jeu comme The Evil Within, qui a été vendu à 420 exemplaires, il a son Season Pass, donc c'est le modèle normal. Finalement, il y a, au bout d'un moment, il y a plus rien de choquant. En plus, maintenant, t'as des jeux qui baissent tellement vite, qui sont moins chers que leur season pass de 2 semaines après la sortie. Ouais. Donc, c'est assez c'est absurde. Vas-y, Barbara. Attends, tu vas parler de DLC, pas de season pass. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Season pass, c'est l'ensemble des DLC d'une saison. Oui, tu as raison. Un DLC particulier. T'as des jeux qui ont des bons DLC. On a cité Borderlands. Il y avait, par exemple, Alan Wake. Il y a des jeux comme ça qui ont des bons DLC. Donc, pouvoir continuer l'expérience, pourquoi pas? Mais ce concept a été dévoyé. Le principe de base de dire le DLC est une prolongation d'un jeu qui est déjà un produit fini en tant que tel. Je vois rien à reprocher à ça. Si, si on prend l'exemple de Battlefield, le gros problème c'est qu'on sait qu'ils bossent sur des DLC et leur jeu n'est bien fini quand il sort. C'est quand même assez grave de voir que même le cas de Rainbow Six, c'est qu'un jeu qui est annoncé depuis un certain moment, le jeu sort déjà sur un jeu multi, tu sais que les réseaux sont pas fiables, tu sais que t'as plein de problèmes, tu sais que tu vas avoir des déconnexions, que rien n'est équilibré. Donc tu te demandes quand même sur quoi ils bossent depuis un moment et où va le budget. Mais moi, quand on me vend un DLC et que le jeu arrive et qu'il est même pas fini, c'est quand même assez dramatique. Il y avait pas aussi, alors là, il y avait pas un season pass sur Alien Colonial Marines? Ça me dit rien. Bien. Oh, c'est un truc Sega, donc c'est possible. Non, mais on avait dit pas les poubelles, moi. Non, mais par contre, en truc bien dégueulasse, t'as les développeurs de Payday 2. Je crois que c'est 505 Games. Qui avait dit au début qu'il ne sortirait aucun. Alors eux, ils sortent effectivement une masse considérable de DLC. Par contre, qui ne change rien absolument aux statistiques. C'est-à-dire que c'est juste de l'esthétique. Donc ils avaient mis le point d'honneur. Ils avaient rassuré les joueurs au tout début en disant rassurez-vous, ce ne sera qu'esthétique. Et là, ils se sont mis à sortir des trucs. Et en plus, je crois qu'il y a eu un truc, ils se sont excusés il y a pas longtemps, je crois, mais je crois que c'est Overkill, le développeur, c'est Overkill et c'est 505 Games, l'éditeur. Et, j'ai vu, je sais plus sur quel site c'était, donc ils avaient fait une annonce sur leur site, disant que oui, c'était un petit peu dégueulasse ce qu'ils avaient fait, je crois que peut-être 2-3 heures après, il y avait un nouveau DLC qui arrivait pour, encore une fois vendu, enfin, c'est vraiment une bande d'enculés. Non, grosso modo, ils ont dit Osef et YOLO. Et ils continuent. Ça fait plus de 2 ans qu'il est là, ce jeu-là. Ils étaient tous basés sur des DLC, donc des DLC cosmétiques, peut-être une ou deux maps, ou alors des DLC pour avoir des armes, des masques, etc. Et c'est vraiment au bout de 2 ans là, qu'ils se sont mis à claquer ce truc-là, qui paraissait un peu bizarre, et à mon avis, ils sont arrivés au bout de leur modèle. Ils n'arrivent plus à vendre de jeux et de DLC, etc. Maintenant, ils essaient de rallonger. Je pense que le problème aussi, c'est qu'ils se poussent, enfin, on les pousse un petit peu à faire ça pour essayer de garder les joueurs. Parce que comme on le dit un petit peu depuis tout à l'heure, il y a tellement de jeux qui sortent qu'il faut réussir à capter le joueur pour qu'il reste le plus longtemps possible. Et c'est tellement pas évident de réussir l'exploit d'un Call of Duty ou d'un Battlefield de retenir les gens qu'à mon avis, ils se forcent à faire des trucs. Mais je trouve, pour moi, c'est justement, Call of Duty, ils s'en foutent. Mais pour moi, c'est pas la solution, justement. Il faut les garder avec des trucs gratuits. C'est rester avec nous, on vous donne des trucs. Enfin, c'est c'est complètement fou. Ce que tu dis, Creeper, c'est complètement antinomique finalement avec ce qui se passe. C'est que les mêmes qui vont avoir cette logique de rallonger la sauce par un season pass qui est censé maintenir ton intérêt au fil du temps, ce sont les mêmes qui ont une stratégie marketing qui font que, on vit plus dans l'attente du prochain jeu que, qu'avec le jeu qu'on a c'est réellement vrai. Dans sa machine. Parce que ce sont des jeux épisodes. Pour n'importe quel jeu, le jeu qui est mis en avant, c'est celui qui va sortir, c'est pas celui qui est sorti. Il y a que Nintendo pour continuer de pousser les jeux qui sont déjà sortis. On est toujours dans l'anticipation et dans le même temps, on essaye de te vendre un autre modèle avec des rallonges payantes. C'est très étrange. C'est à se demander si on n'est pas sur un marché qui se cherche là sur ces sujets. Il cherche à se faire de l'argent. Il très mal faire de l'argent. Il a raison. Mais quand t'écoutes les gens, c'est pareil. Hein. Les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, tout ça, on parle toujours du jeu qui va sortir, mais dès qu'il sort, bizarrement, plus personne n'en parle. C'est un gros problème. Et puis voilà, parce que c'est vite consommé, c'est vite jeté. On ne repart après pour les soldes. Non, la meilleure illustration du succès de cette stratégie aujourd'hui, c'est la PS4. L'incroyable succès de Sony dans ses conférences, c'est pas de montrer des jeux auxquels on a accès, c'est de parler de trucs qui arriveront peut-être un jour longtemps. C'est vendre de l'anticipation. C'est ça qui marche. Dis pas ça, j'ai dit tout à l'heure, on sait que j'ai fait un jeu, on le saura dans 4 ans, mais on l'attend déjà. Bah voilà, c'est ça. Vous l'attendez, mais c'est ça. Si... Moi je m'en fous, mais tu l'attendras comme tout le monde. Et puis c'est tout. On reste dans la colère, on reste sur les annonces un petit peu bizarres et de DLC chelous et de précommandes, puisque Barbarousse aussi voulait râler un petit peu sur Square Enix. Ah, mes amis Square. Ah, depuis le temps qu'ils nous la mettent à l'envers, ceux-là. Ah, ils sont très très forts. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, Square Enix nous sortait un nouveau concept foireux. Encore un, il tentait de nous mettre une super carotte augmentée à coups de nanotrucs dans nos maxifions. En gros, le nombre de bonus inclus dans une précommande de Deus Ex Mankind Divided, donc le prochain Deus Ex qui va sortir en février 2016, tous les bonus inclus dans la précommande vont dépendre du nombre de personnes qui ont précommandé le jeu. Un peu comme une sorte de Kickstarter. Je sais pas, sur Kickstarter, vous voyez, il y a des paliers à atteindre. Exact. Ah ouais. Bah c'est le même principe. On atteint tant de paliers de précommande, hop, on va débloquer des trucs. Tant de paliers de précommande, hop, on va avoir une mission en plus, hop, on va avoir la bande son en MP3, etc., etc. Et ils se sont pris une volée de bois vert en même pas. De la HD dans par exemple. En 3 jours, ils se sont pris une ressaucée sur les réseaux sociaux. C'était un enfer total. Et au bout de 3 jours, ils ont complètement reculé. Ils ont lâché l'affaire et tout va sortir. Ils ont dit non, mais on déconne. L'émission en plus. Non, mais on va le faire normalement, en fait. Ce qui est bien, ce qui est con, vu que lorsque la campagne originale pour Deus Ex Human Revolution était vraiment, ouais, vraiment vrai. Bien foutue. Ils avaient vraiment réussi à faire monter la sauce avec des bonnes choses. Ils ont tout gâché d'un seul coup. Avec des documentaires, ouais, augmenté, etc. C'était vraiment puis très musique. Très bien. Ah, la musique, bon, chouette. Ah, la musique, ouais. Très très bien. Et puis il y a aussi une deuxième chose, c'est Final Fantasy VII et la méga quenelle qu'on s'est pris dans la tronche. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Ah, ce sera un jeu épisodique avec un FF tout moche comme dans les adolescentes nul. Et puis voilà quoi. Ouais. Je crois que je suis malade, tiens. Oh putain. Oh, j'ai eu envie de vomir même. Alors, ce Final Fantasy VII, j'ai senti dès le départ que ça sentait un peu le foin au moment de l'annonce. Peut-être d'ailleurs parce que j'étais sur place et que je savais qu'il y avait rien de fait sur le jeu encore au moment tu sens où le jeu improvisé il avait été annoncé. Bah, c'était en fait, c'était après la conférence, t'en discutais avec des gens qui faisaient partie de Square Enix et qui savaient pas de quoi il était question, quoi. Donc tu disais, c'est quand même génial. Et j'étais quand même impatient parce que je suis très très amateur du jeu d'origine et je me disais, tiens. Au moins une chose qui m'intéresserait, c'est s'ils en profitaient pour gommer quand même les défauts du jeu qui est un peu ancien, pour en faire quelque chose d'un peu plus rock'n'roll, de pas virer les combats aléatoires et tout. Mais et alors quand on a vu la vidéo là, c'était quand c'était non, Paris Game Show, c'était non récent, montré, c'était l'E3 justement dans la vidéo de gameplay là. Non, c'était pas l'E3, c'était il y a pas longtemps. Oh là là, quelle horreur! Mais comment on peut faire un truc pareil? Alors au niveau des visuels, j'ai trouvé ça, j'ai vraiment eu envie de vomir quoi. Alors les personnages stylés comme ça, ça marche très très bien dans un monde qui lui aussi est stylé, mais alors faire du réalisme avec un mec qui a une coupe de punch et une épée de 900 kilos, avec un copain qui a un gros ventre de buveur de bière, moi ça me fait rire plutôt qu'autre chose. transformé en un jeu, en ces espèces de simili beat'em up comme ils en ont fait pas mal sur les Final Fantasy dans les versions PSP. Enfin, j'ai envie de dire, on n'essaierait pas de violer mes souvenirs de gamer. Non, mais je pense vraiment qu'ils improvisent un jeu. Ils copicolent un moule. Voilà, moi je crois qu'on a une belle merde en prévision. Alors j'aimerais bien maintenant rediscuter avec tous ces gens qui étaient si emballés par cette annonce qui sentait le foin au départ. Et puis j'en parlerai peut-être avec eux également pour Shenmue 3 dans quelques temps, quoi. Non mais Ron, je te trouve vraiment super dur parce que le producteur de ce remake ne pouvait pas parler jusqu'alors publiquement. Je crois qu'on peut l'annoncer ce soir, on a l'exclu. C'est Kojima qui bosse sur le remake de Final Fantasy VII. C'est ça le projet. Cloud. C'était donc ça. Cloud. Quelle bande d'enfoirés. Mais tu vois, ce qui est étonnant, c'est que les gens n'ont pas forcément râlé sur le trailer. Ils ont râlé uniquement à l'annonce de la version épisodique finalement, quoi. Et comment on fait un jeu à épisode avec un RPG, je ne comprends pas. Mais il était beau le trailer, ça y a pas à chier. Ça m'a pas plu. Je suis déçu. Et ben, nous allons quitter un petit peu cette déception, essayer de repartir vers quelque chose d'un petit peu plus sympathique, Ron, et je vais rester avec toi. Je peux pas glisser une petite là, s'il te plaît, parce que j'ai. Ouais, j'ai ma réputation quand même. J'avais oublié de la noter, mais quand même, je peux pas m'empêcher de la nommer. C'était en 2015. Hein. L'insulte du Kickstarter Shenmue 3. Ça m'a déçu, ça. Quand ça a été annoncé, ça a été une branlette généralisée. Au niveau de la presse, etc. Enfin, Shenmue, on l'attendait. Ouais. Enfin, quoi, c'est un Kickstarter avec un studio de merde hein, derrière. Moi, je vois surtout que c'est encore en tant qu'énorme fan de Shenmue et de son auteur, le voir comme un clochard sur une estrade pour nous annoncer un Kickstarter. Je l'ai très mal pris. Ça m'a fait un peu en tant qu'amateur de jeux vidéo. Quoi. Ah mais Shenmue, attends, on l'a, enfin entre guillemets, il y en a plein de gens qui l'attendent depuis longtemps, mais c'est une petite fanbase. Ah oui, j'allais dire quoi. Plein de gens font relativiser. Ouais. Plein de gens, ça c'est du tous typo, les mythos qui s'en font mais qui n'ont même pas tout. Joué. Attention. C'est une petite fanbase quand Exactement. Même, il n'y a pas grand monde. Il y avait moi, j'attendais, mais je crois que j'ai arrêté d'attendre parce qu'à un moment il y a tellement de déceptions sur les retours, les Duke Nukem, les machins, j'ai laissé les tranquilles. Écrivez-moi la fin sur un bout de nappe, dites-moi juste comment ça se passe, s'il est content à la fin Rio, et puis moi ça me suffit finalement. J'ai pas besoin de beaucoup plus, mais bon, on verra bien. Est-ce qu'il a appris à manipuler son transpalette? C'est important, bon, c'est important, j'ai beaucoup aimé manipuler le transpalette, c'est une étape importante de ma vie de gamer. Ron, les indés te rendent joyeux, un petit peu aussi Barberousse, donc vous allez parler un petit peu tous les deux, de tous ces jolis petits indés qui se sont, qui ont débarqué tranquillement sur nos consoles, sur nos PC. Alors Ron, qu'est-ce que tu as kiffé? Alors moi, ça m'a fait plaisir. Je vais mettre de côté tout de suite ce qui m'a pas fait plaisir. Il y a quand même une chose, c'est l'absence de contrôle à l'entrée sur la Xbox One. Moi, je trouvais que c'était bien d'avoir un contrôle à l'entrée. C'est pas parce que Sony laisse tout entrer qu'il va faire pareil sur Xbox. Ce qui fait que c'est, entre autres, mais c'est ça. Le problème, c'est de faire le tri dans ce qui rentre. Maintenant, quand on fait le tri et qu'on s'y intéresse, je retrouve, grâce aux indés, la touche d'originalité qui manque dans les grosses productions, et c'est une chose qui m'a beaucoup plu cette année, c'est cette espèce d'équilibre naturel qui se fait entre les gros titres qui ont répondu présent et entre des jeux indés qui ont leur point de vue, leurs idées, bon, qui coûtent pas cher en plus, c'est toujours bon à prendre, et qui vont amener la touche d'originalité que le risque que ne prennent pas les grosses productions. Il y en a eu tellement, je vais avoir du mal à en citer finalement. Bah, je pense à White Knight par exemple, une espèce de survival en noir et blanc uniquement, incroyablement stylé. C'est super beau. C'est français par-dessus le marché. Donc voilà, c'est quand même très réussi. Il y a ce jeu qui nous fait jouer une aveugle qui est sorti il y a pas longtemps. Beyond Eyes. Qui a rien d'exceptionnel. Hein, ouais, c'est ça. On fait qu'avancer en termes de jeu, c'est très pauvre, mais n'empêche que c'est une expérience très originale, donc ça mérite qu'on s'y arrête. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui sont vraiment intéressants et qui créent cet équilibre naturel sur les ludothèques qui apporte un petit vent de fraîcheur dans ce qu'on peut avoir sur la globalité de l'offre. Donc voilà, moi ça m'a bien fait plaisir, j'ai beaucoup joué aux jeux indés. D'accord, donc cette le retour année. De l'indé en force sur console, parce que c'est vrai que c'était un petit peu mis de côté au tout début de la Xbox One, et ils ont du coup ouvert complètement les vannes, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu tout, n'importe quoi qui débarque, mais au moins... Un peu trop sans doute quand même. C'est ce qui m'embête, avant il y avait de la démo tout le temps, et là on peut même pas tester les jeux avant. C'est quand même super bizarre pour Xbox, pour la 360, ils avaient sorti l'USBLA, les Summer of Arcade. Ils avaient tout cadré, tout était bien trié, tout était disponible et mis en avant. Et là, c'est dingue. Non, mais il y a une raison à ça, Barberousse, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu reproduire un modèle assez similaire au Xbox Live Arcade au départ. Et ils se sont fait un peu baiser par Sony. Je suis pas d'accord, parce qu'il y avait vraiment, que dalle. On va voir. Tu pourras me dire autre chose, mais c'est Sony a pris un autre point de vue en disant « Nous, on met aucun barrage à l'entrée. » Et il y a eu toute une série de développeurs indés qui ont dit publiquement « C'est vachement mieux chez Sony parce qu'on nous emmerde pas à l'entrée, donc on va là-bas. » Le développeur de Bread, par exemple, a fait beaucoup de déclarations dans cet ordre-là. Il a fait quoi comme ça a été très néfaste à la Xbox. Ça a été très mauvais pour Microsoft, qui du coup, ils en étaient pas à un rétro-pédalage près. Hein. On fait la même chose sur tout ce qui était indé. Phil Spencer a poussé un maximum pour aller chercher des studios, mais surtout ils ont tout ouvert et là, parce que ça s'est déversé. C'est quoi. Dingue d'en arriver là. Ils ont vraiment poussé les indés sur la 360. Bah, c'est ça qui était fou. Je comprends pas. Quoi. Ils étaient à un moment où ils étaient vraiment dans le caca niveau communication. Ils disaient absolument n'importe quoi. Donc du coup, au milieu de ce marasme, au milieu de ce bordel, ils arrivaient pas dépatouillé de tout ce qu'il racontait comme conneries. Et c'est vrai qu'au niveau du jeu indé, enfin, dans ce qu'on comprenait, c'est qu'à un moment, tout était à peu près bloqué, qu'il y avait un gros contrôle, qu'il fallait passer par eux, qu'il fallait faire ça. Et c'est vrai que d'un côté, comme le dit Ron, Sony a un petit peu compris comment ça fonctionnait enfin. Et, ils ont dit, les gars, l'indé, c'est chez nous, venez, il n'y a pas de problème. Et du coup, là, ça a débarqué en masse de ce que là. C'est vrai qu'ils ont vraiment galéré. Et ça a été vraiment jusqu'à début 2015 où ça a commencé à revenir petit à petit. Il y avait enfin des jeux qui arrivaient, mais sinon, il y avait que des productions Microsoft. Il y avait le jeu de moto un peu chelou là, locaux machin, donc il y avait des productions de chez eux, c'était des jeux qui étaient pas vraiment indépendants, mais qui étaient pas vraiment des gros jeux, etc., donc c'était un peu bordélique. Il y avait des choses intéressantes, il y avait des choses qui étaient sympas, mais pas des masses quand même. Bon, c'était pas super attirant. Il manquait cette originalité. Il manquait la fraîcheur, et puis bon, le côté cool de l'indé, on peut dire ce qu'on veut, mais du coup, ils ont accueilli du côté de chez Sony tout ce qui était Hotline Miami, donc toutes les choses de tous les jeux de chez Devolver. Donc c'est la classe quand même. Tout à fait. Et là où chez Microsoft, il y en a pas un seul. Donc ils ont récupéré quelques développeurs un petit peu, quelques exclus sympathiques. Mais quant à tous les Devolver qui débarquent chez Sony, c'est un petit peu au niveau de l'image, c'est quand même assez classe quoi. Peace. Alors ce qui est cool, c'est quand même encore une fois ce Phil Spencer qui fait quand même du bien. C'est vrai. Alors, au niveau de l'image. Pas qu'à la Xbox finalement, je dirais aux jeux vidéo, parce que ça crée un nouveau dynamisme qui lui a mis un paquet incroyable. Hein. Je suis revenu de l'E3 avec un carton avec les cartes de tous les jeux indés qui étaient en développement, et c'est vrai qu'il y en a une quantité mais de fou. Et Cuphead. Déjà il y a Cuphead qui est complètement incroyable, et il y en a plein, et ça crée une espèce un peu d'effervescence, de dynamisme que je trouve quand même sympathique, en fermant pudiquement les yeux sur les merdes qui se glissent en même temps dans le tas quoi. Barberousse, l'indé c'est cool? Bah oui, mais 2D aussi, puis la 3D aussi. Yeah, tu peux mettre... Ah oui, c'est aussi... Voilà, merci, c'est gratuit, c'est cadeau comme d'habitude. Mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué sur les indés, surtout, le foisonnement sur PC. Alors bon, d'accord, je suis joueur PC, tout ça, mais j'ai l'impression quand même que c'est une plateforme beaucoup plus libre de développement que sur console. Et surtout, c'est beaucoup plus simple à mettre en avant. Ça, c'est vrai. Et les jeux sortent, comment dire, les jeux sortent en bêta, certes, mais ils sortent finis un jour. On a eu l'exemple de Broforce, ok, il est sorti il y a longtemps, mais là il est sorti en bien. Il y a plein de jeux que je suis en train de suivre au fur et à mesure de leur développement, et surtout les mises à jour sont suivies, sont courantes, et c'est pas des mecs qui vont te bluffer la gueule à grands coups de millions ou de coups de com pour trois jeux minables. Et ça, je trouve ça vraiment bien sur PC. C'est vrai qu'il y a un côté respect, qu'on sent vraiment une grosse proximité entre les développeurs PC indé. Après, les jeux débarquent souvent après sur console. C'est vrai que sur PC, on voit le jeu, justement, Divinity, le dernier, il y a eu une grosse mise à jour, donc c'était gratuit pour les personnes qui avaient participé au Kickstarter, je crois. Donc, je trouve qu'il y a un beau respect des joueurs à ce niveau-là. Après, il y a des choses un peu plus négatives. Après, si tu veux, on peut les aborder vite fait, mais... Non, c'est pas vraiment pour rentrer là-dedans, mais c'est qu'au niveau indé sur PC, il y a de plus en plus de plateformes qui permettent de les mettre en avant. C'est vrai que sur Steam, des fois, c'est un petit peu le bordel, même s'il faut être présent, mais il y a de plus en plus de plateformes qui poussent les jeux indés. Il y a de plus en plus de alors vraiment entre guillemets d'auteurs. On a eu le cas là, j'ai plus le nom en tête, on parlait beaucoup sur ZQSD, un jeu assez chelou, le mec qui a fait Stanley Parable, voilà, exactement. Donc, il y a des jeux assez particuliers, il y a beaucoup d'expériences, on a parlé de Her Story tout à l'heure. Il y en aura un autre dans la suite de l'émission, je pense, mais il y a plein de petites choses, de petites pépites à retrouver comme ça, que éventuellement on pouvait retrouver, j'ai encore passé pour un vieux con sur le XBLA, sur la 360. Exact. Et que là que je retrouve seulement sur PC. Bien ou pas, je sais pas, mais c'est un peu dommage. Bah c'est toujours bon, mais c'est vrai que c'est dommage de pas avoir ça un petit peu partout et de pas donner une plus grosse fenêtre justement à ces studios qui essaient de faire des choses un petit peu différentes, et souvent ils étaient même un petit peu aidés financièrement justement par Xbox, Microsoft, qui les mettait en avant justement sur le XBLA avec le truc de l'été, la Summer of Arcade. Donc c'est dommage de pas retrouver ce genre de petites choses qui étaient vraiment super importantes pour l'image de la console, et c'est vrai que ça s'est perdu de manière un peu bizarre, de manière un peu brutale, mais donc du coup sur PC je trouve effectivement que le jeu indé brille beaucoup plus, et ça c'est quand même une très bonne chose quand même. Il faut être optimiste parce qu'il y a des synergies qui sont en train de se créer. Ouais. Le PC a pas mal d'avance grâce à cette facilité, c'est ça qui est vraiment chouette. Mais le fait que les consoleux sont entre guillemets obligés de mettre de l'eau au moulin du jeu indé, on le voit, hein, les jeux indés ils sont présentés quand même pendant les conférences de l'E3, sur les stands des constructeurs, ah oui, bien présents, ils sont là. Commandés donc par, ça, par les éditeurs, c'est une petite différence quand même. Pas seulement, Barberousse, pas seulement, il y a justement, on a des deux, et ce qui se passe, c'est que tu vas avoir des jeux indés qui avancent, qui commencent à être développés, et là, t'auras un Microsoft ou un Sony, bon, pour l'instant, c'est Microsoft qui met du pognon, qui va aller apporter de l'aide à un studio. Ça y est, ça revient, on retrouve un peu une situation qui fait plus penser à ce qu'on avait connu à l'époque du XBLA, quoi. Et c'est cool parce que ça, tout le monde ne peut qu'en profiter de ce genre de choses, quel que soit le support sur lequel on joue d'ailleurs, hein. Mais malheureusement, ça va mettre un peu de temps. Ça va mettre un peu de temps, ça temps de se remettre doucement, en place. Ouais, ça revient doucement. Ce qui est con, c'est parce qu'il y avait une habitude qui était déjà installée, c'est qu'il faut tout refaire, c'est un peu con. Tu perds l'image, bah tu perds ça, tout. C'est clair. Il faut tout reconstruire, il faut reprendre la conscience des gens, des développeurs, etc. Donc c'est quand même assez particulier. Alors, on va reprendre notre petit jeu du à qui offrir tel ou tel jeu, et cette fois, on va passer à quelque chose de plutôt sympathique. Quel jeu offrir à un PCiste pour lui prouver que non, jouer à la console, tu sais, ce n'est pas si sale. Matt, tu voulais proposer un jeu qui te brise le cœur, je sais. Bah effectivement, c'est le deuil de toute une vie, c'est Red Dead Redemption. Ah, ça fait mal ça. Red Dead Redemption. Ouais. C'est pas très 2015 quand même. Toujours pas joué. Ah ouais, mais... Non, mais pas du tout. On s'en fout, c'est immortel. Ah oui, non, mais c'est sûr que... La tristesse est toujours présente, la plaie est toujours béante. On n'a pas fait mieux hein, depuis. Hein. Red Dead Redemption, exactement. Bah, ça ressemble un petit peu, non, Metal Gear. Je crois qu'il y a des petites oui, affinités. Oui, mais l'ambiance, c'est Creeper. L'ambiance était vraiment exceptionnelle. Vraiment. Exceptionnelle, ouais. Et cette fin, putain. C'est 40 ans de western condensé dans une petite galette pendant 40 heures de jeu, c'est formidable. Bah pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Rockstar. Ouais, non, ouais, je crois aussi. Tout à fait. Pour moi, vraiment, le top, le top de ce qu'ils ont fait, c'est vraiment ça. C'est pour tout. Hein. Pourtant, le monde est moins vivant, mais il est retranscrit d'une manière exceptionnelle et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mmh. Et il est beau. Puis il est, il est très. Vous voulez que je pleure? Il est très vivant, ce monde, d'ailleurs. Il est beaucoup plus maîtrisé qu'un GTA. C'est ça qui est. Exactement. Ça qui est vachement bien. Mais ils veulent moins en faire, c'est très maîtrisé, les personnages sont beaucoup mieux écrits, je trouve, c'est un peu moins caricatural qu'un GTA. Bon, en même temps, ça se veut un peu une critique, un petit peu, les GTA. Là, on est plus justement dans le vrai western, on n'est pas vraiment dans le pastiche, je trouve. Et on est plus d'ailleurs dans le western très américain que dans le western spaghetti, là, c'est mon avis. Oh, il y a toute référence quand même. Hein. Toute référence quand même, bien sûr. C'est ça que je trouve qu'on est plus dans le vrai western classique. Que le spaghetti, et c'est un chef-d'œuvre tout simplement. Ouais, puis c'est un rockstar qui se perd pas en route à rajouter des conneries de petits jeux où tu vas jouer au bowling ou des machins, à vouloir tout faire pas très bien. Il y en a eu qui le font bien. Et là, tout ce qui est fait, c'est vraiment bien fait. Dans Red Dead Redemption, John Marston, c'est la classe. La classe. Exactement. Tout est génial. Les attaques de diligence, les attaques de train. Il y a tout ce qu'il faut, absolument tout, jusqu'à l'attaque de fort avec une grosse mitraillette. Un canon même, je crois que même au canon. Les Mexicains qui déboulent, les envoyés valser avec les gros canons, enfin c'est vraiment tout est formidable. Ouais, les personnages sont tous plus incroyables ils ont des uns gueules, que les autres. Le gars qui vend ses élixirs, le révolutionnaire mexicain qui est un queutard. Ouais, fantastique. Donc tu as une console, tu as bon goût, joue à Red Dead Redemption. Tu as un PC, tu es triste, prends une console de case et joue à Red Dead Redemption. Voilà, une Xbox One et maintenant profite de la rétrocompatibilité et achète Red Dead Redemption 360 pour jouer sur la One. Il est pas encore annoncé, il est pas encore dessus. Il va y aller. Mais ça va venir. Il va y être. Barberousse, garde la parole. Qu'est-ce que tu proposes à un joueur PC qui est réfractaire à la console? Alors moi, je vais vous proposer deux choix, parce que bon, si je pouvais pas en faire qu'un seul, je vais vous proposer d'abord, c'est Etrian Odyssey pour Nintendo DS, ou même la 3DS d'ailleurs. Alors c'est quoi la série des Etrian Odyssey? C'est un dungeon crawler. Donc en gros, pour les vieux ou ceux qui se souviennent pas, les vieux, c'est la série des Might and Magic, Wizardry ou Bard's Tale. Le principe, c'est de se balader dans un donjon avec sa petite équipe d'aventuriers, mais case par case sur un petit tableau comme ça, et il va falloir bastonner son monde. Et là, le truc bien, c'est que c'est tout bête, mais on peut dessiner sa carte et c'est vachement classe. Je sentais le MJ qui sommeille. Totalement. On peut se balader avec sa petite équipe comme ça. Bon, évidemment, style manga, hein, avec son magicien, son guerrier, son barde pour le buff, etc. Faut composer son équipe et 70 heures qui sont perdues comme ça dans la nature pour aller au bout du jeu, c'est juste formidable. C'est une tuerie. C'est velu, accessible, vraiment s'accrocher. Ouais. Vraiment. Et il est vraiment sympa à prendre en main. C'est tout con, c'est le premier que je faisais sur console comme ça. Alors que j'en ai fait quelques-uns sur PC du genre, comment il s'appelle, celui qui était sorti il y a 2 ans, Legend of Grimrock. Il était vraiment très bien aussi. Le retour de John Crawler, étape par étape, comme ça, case par case. Ah, j'ai essayé, j'ai pas réussi à mettre dedans. Faut aimer le genre. N'ayant pas joué aux anciens jeux. Faut aimer le style. Mais là, en portable, sur sa DS, on peut avancer 10 minutes, revenir en arrière. C'est juste formidable. Et ça fonctionne très Etrian Odyssey. Et le suivant? Et le suivant, bah là, je suis obligé de mettre un petit peu de musique. Mets la musique, vas-y, DJ. SingStar? Parce que là, une ressortie. Ah non. C'est même pas un jeu original, c'est une ressortie 3D d'un ovni. Jeu vidéo, moi j'appelle ça un ovni. C'est Majora's Mask. Ah bah oui. Sorti en version 3D sur 3DS justement. Et c'est vraiment l'occasion de le refaire. Ce jeu complètement chaotique, sorti de nulle part. Au développement vraiment complètement fou, vraiment rushé au possible. Un peu à part. Vraiment ouais, à part. Vrai, tout à fait, ouais. Il y a une histoire de fou sur ce jeu, des théories complètement folles sur Link qui serait mort et en fait pas vraiment, ce serait des esprits. Il faut vraiment lire toutes les théories là-dessus, c'est absolument génial. Et pouvoir enfin y rejouer sur en bonne qualité, avec quelques lourdeurs de gameplay corrigées surtout, sans avoir ressorti la Nintendo 64 avec le petit pack de RAM, l'expansion pack de mémoire que mes frangins c'est ont pour mes bandes de trous du cul. L'ancêtre du DLC. DLC physique. c'est vrai. C'est horrible. Et pouvoir rejouer à ce jeu que je pense un des meilleurs Zelda. Moi, je peux le dire, même si je préfère quand même Ocarina of Time, mais... A Link to the Past. Ah oui. Ocarina of Time, oh là là. Mon Dieu. L'occasion de voir rejouer ces gens sont absolument formidable, qui met pour une fois dans un Zelda, mais vraiment une sale ambiance. Et ça change. C'est vraiment bien. Et ça change. Et on va changer d'ambiance. Et là, on va rentrer sur le dance floor. Rhône. Tu aimes, tu bouffes ton booty. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer à un PCiste? Ben, les jeux qu'on trouve pas sur PC et qui sont le fun qu'on trouve sur console. Alors je pense tout de suite à Just Dance 2016, et si possible, en version Kinect pour que tu bouges ton corps. Est-ce que tu es capable de lever tes fesses de ton gros fauteuil rembourré où tu restes des heures à jouer à tes MMO? Mais oui, lève-toi, laisse la fièvre prendre racine dans ton corps et bouge. Alors voilà, bon, j'exagère un petit peu, j'en fais des caisses, mais à côté de Just Dance, je mettrais aussi, je sais pas moi, SingStar, Samba de Amigos, voilà, tous ces jeux qui sont juste ultra fun et qui sont typiques console, parce que c'est aussi ça, les jeux vidéo chez Patrick Sébastien Simulator. Ah oui, Guitar Hero, vachement bien, ça marche aussi, il y a pas longtemps. Tu aimes Guitar Hero? Ah, c'est classe. C'est classe Guitar Hero. Alors le dernier, ils ont changé la position des doigts et ça a changé. Il paraît que c'est pas mal, hein, le dernier par rapport à Rock Band qui a pas bougé. D'ailleurs les pauvres, les pauvres de chez Harmonix qui étaient obligés de noter leur propre jeu sur Amazon, je crois qu'ils mettaient leur propre note. C'était triste. Très drôle. Ce jeu est tellement génial, signé Harmonix. Oh merde, j'ai oublié d'enlever la signature. ça me fait de la peine pour eux parce qu'ils étaient tellement forts. Bon, putain, c'est quand même. Disons que eux se sont fait gauler quoi. Mais ça me fait vraiment de la peine hein, parce que c'est vraiment un studio qui était, enfin qui est toujours, le jeu est sympathique. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas voulu apporter d'autres choses. Mais c'est un tellement bon studio qui a fait vraiment des bons jeux. Et c'est quand même un petit peu dégueulasse de tomber et de se faire doubler par Activision avec, à la base, leur propre jeu. Ça me rend un petit peu triste. Ouais. Ouais. Tiens, Fantasia qu'ils ont fait, qui est absolument génial. C'est vrai. Très bon jeu Kinect, le seul. Ouais. Bah oui, il n'y en a pas beaucoup, alors il faut réussir à les tester. Il est vraiment bien. Si vous avez des enfants, que vous avez Kinect et que vous n'avez pas quoi en faire, c'est vrai que Fantasia est absolument fabuleux. Il se trouve pour Peanuts sur Internet. Mm. Donc amusez-vous avec vos enfants, c'est vraiment très cool. Bilou, on change d'ambiance, rien à voir avec Disney. Et là, on rentre dans l'horreur, on est sur une exclue PS4 qui m'a bien plu, qui est vraiment de mes bonnes surprises. Pareil pour moi, vois-tu, j'y ai joué en entier chez quelqu'un, c'est Until Dawn. Et vraiment une bonne surprise. J'avoue que, en fait, je n'avais pas trop entendu parler, et c'est toi-même qui posais des questions sur Twitter en disant « Bah alors, qu'est-ce que ça donne au final, tout ça ?» Et je m'y suis un peu intéressé après et j'ai eu l'occasion d'y jouer. Et vraiment, c'était vraiment une très bonne surprise et j'étais content de pouvoir mettre la main dessus et de pouvoir tester ça de moi-même. C'était vraiment une très bonne ambiance et j'ai vraiment retrouvé l'ambiance du petit slasher sympathique qui se prend pas trop au sérieux. Ouais, voilà. C'est vraiment sous les codes, mais bien mis en scène, je trouve, avec le scénario qui est assez surprenant, qui sort un peu des sentiers battus, je trouve, qui est plutôt pas mal. Et alors, qui a divisé, je sais qu'avec Rhône, on n'est pas forcément d'accord, mais... Oui, mais... j'ai des réserves, mais au global, j'ai quand même passé un bon moment. Hein. Donc, là, c'est la fin de l'année, moi, je garde en souvenir bon moment. C'était un bon moment, cette année. Surtout, les choix, tout ça, étaient plutôt pas mal. Hein. Tous les fins différentes, les choix ont vraiment des impacts. Bon, pas forcément tous, mais une partie. Mais en fait, ils arrivent à bien donner l'impression que ça fonctionne. Voilà, oui. C'est... Ouais. Et puis, bon, selon ça garde des gens ou pas en vie, ça change un peu la fin. Enfin, la fin est pas forcément extraordinaire, hein. Il faut pas s'attendre à des miracles, pas selon les choix qu'on a fait, mais vraiment c'était sympa. Et puis c'est joli, c'est vraiment bien c'est fait. C'est plutôt joli, bonne ambiance. D'ailleurs, est-ce que tu trouves le jeu joli? Ouais, j'ai trouvé que ça se tenait. Voilà. Attends, bon, ça va te faire tenait. Plaisir, c'est, tu sais avec quel moteur c'est fait? Avec le Fox Engine? Non, avec le moteur du Killzone de PS4. Bah, avec le moteur de Killzone. Du Killzone de PS4. Ah, mais attends, Killzone, il était pas mauvais sur PS4. Oui, mais c'est visuellement. Au final, tu as aimé quelque chose qui a un rapport avec Killzone. Est-ce que t'es dégoûté? Bah, alors ça fait un peu chier parce que Killzone, je trouve vraiment que c'est une série de merde. Ouais, mais t'as dégoûté, t'écoutes. C'est vrai que c'est chiant, Killzone. Ah non, on va pas commencer à débattre là-dessus. Donc Until Dawn, non, c'est très chiant Killzone. Surtout le dernier, il est particulièrement chiant. Je sais pas, j'y ai pas joué. Oh, c'est clair. Il y a une séquence en apesanteur où j'ai failli me suicider avec ma manette sans fil. On peut dire que c'est compliqué. Bon, on va avancer encore un petit peu. Et s'il y a bien une chose qui a marqué un petit peu 2015 et qui va marquer encore plus 2016, on a commencé à en parler tout à l'heure un petit peu avec un jeu dans l'espace de Barberousse, c'est la réalité virtuelle. Et je sais que Matt, lui, il l'a pas forcément mis dans les bonnes choses de l'année, même de l'année prochaine. Il a pas l'air très chaud pour la VR, Matt. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu es pas très emballé? Ensuite, je laisserai la parole aux autres, parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui a envie de dire des trucs. Bah écoute, j'ai fait le test, je peux le dire, j'ai testé un appareil de réalité augmentée très performant, puisque c'était un casque Arcos, et que j'y ai glissé mon portable. Un casque Arcos. Donc Alors moi je n'aime pas la réalité virtuelle, parce que j'ai testé un casque Arcos, alors moi je déteste les voitures, parce que j'ai roulé une voiture sans moteur. J'aime donner de la crédibilité à mon témoignage. Mon Dieu. Mais effectivement, donc pour moi, enfin c'est le prochain truc de, c'est comme la 3D sur ta télé, quoi. C'est le faux. Donc t'as fait la 3D sur une télé mais en louchant, c'est ça? Peut-être. Pardon. Oui, mais en plus je ne vois pas la 3D. Non, mais j'ai cette chance, mais malheureusement je n'en profite pas. Non, mais pour moi effectivement c'est la fausse bonne idée. C'est le truc qui est difficilement mis en pratique, qui t'isole totalement. Enfin, c'est pour moi ça va pas le faire. Ça va pas être le gros succès, quoi. Tout à fait d'accord. Maintenant, j'ai pas eu encore assez d'expérience. Mais qu'est-ce qui te bloque avant de laisser la parole à Ron? Qu'est-ce qui vraiment, à part le fait que t'as testé sur, alors à mon avis, un casque qui est pas forcément de très très bonne qualité. Genre, je ne remets pas en cause les produits Arcos, parce que j'en manipule beaucoup au magasin et je sais qu'il y a beaucoup de services après-vente. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te fait sortir? Est-ce que tu penses que on n'est pas encore vraiment prêt pour ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque vraiment dans la réalité virtuelle? Je pense que ça, des bons contenus vont arriver. Maintenant, j'ai peur des coûts de développement des jeux sur le support 3D. Même si apparemment il y a des expériences sympas comme Keep Talking and Nobody Explodes, qui a l'air de faire son petit bonhomme de chemin. Donc après. J'espère que les surprises vont arriver. Maintenant, il va falloir à un moment donné le jeu qui va tourner que sur réalité virtuelle et qui va faire que tout le monde va vouloir effectivement s'équiper. Il y en a un petit peu marre des démos de montagnes russes, trucs comme ça. Enfin, moi, j'en ai testé plein au magasin où je bosse. On a un Oculus, on a des démos, mais moi, ça ne marche absolument jamais parce que c'est tellement bateau. T'es dans ta montagne russe ou t'es dans une espèce d'ascenseur ou machin. Enfin, c'est un petit peu relou et moi, c'est un petit peu les raisons pour lesquelles, pour l'instant, j'ai du mal à y croire, c'est qu'on n'arrive pas à sortir du côté attraction. C'est le problème de beaucoup de nouvelles technologies, hein, quand on regarde même la 3D au cinéma, enfin plein de choses, c'est qu'on est obligé d'avoir le cul entre deux chaises, donc au final, ça marche jamais. Non, mais encore, chez la 3D au cinéma, t'as un standard qui est unifié, alors que là, tu vas avoir plein de plateformes différentes, avec plein de casques différents. C'est clairement le bordel. C'est ça le gros problème. Alors, Ron, tu voulais intervenir. Ouais, parce que j'ai essayé pas mal de choses, alors c'est assez étrange, parce que plein de choses, vas-y, dis-nous. Eh ben ouais, alors c'est vrai, dans ma vie j'en ai essayé des choses. J'ai essayé l'expo universelle, pas mal d'Oculus de façon démonstrative, j'ai trouvé ça intéressant. Et quand j'étais à l'E3, j'ai essayé plusieurs jeux qui étaient faits exprès pour l'Oculus, et j'ai essayé HoloLens. Alors, ça donne un petit aperçu au global, et alors, d'une certaine façon, j'étais à la fois très convaincu et pas convaincu du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que un jeu qui est développé exprès pour la réalité virtuelle, notamment j'ai joué à un truc qui était hyper anxiogène, qui était sous l'eau, etc. Et c'était génial. Tu t'y crois vraiment au niveau immersion, c'est immersion totale. Ah ouais, c'est le truc où tu parles pendant 2 heures à Nadine Morano, je crois. Alors ça devrait être horrible, ça, putain. Et alors ça marche super bien, mais ça marche franchement au bout de 5 minutes, j'en pouvais plus quoi de cet isolement. Moi j'ai trouvé ça désagréable au final. Ce qui fait que j'ai l'impression que ça fonctionne que sur des séances de jeu qui sont très courtes. Et à chaque fois que j'ai essayé ça... Donc le porno marche aussi. Alors, surtout pour le porno, une très bonne application pour le porno. Ce serait une vraie bonne application parce que franchement, tous ces casques, ça me fait penser un petit peu. Je me dis, le mec qui met ça chez lui, c'est un peu comme quand tu bois seul. Dans la bande son porno. La sensation d'isolement, elle est tellement réussie que limite je la trouve un petit peu malsaine. Donc pour le porno, ça marche plutôt bien. Ça pourrait même amener à des situations intéressantes. Tu peux te faire choper dans des positions étranges puisque tu vois pas ce qu'il y a en dehors de ton casque. Il t'avait prévu qu'il avait testé beaucoup de choses. Et voilà. Donc à part pour vous le porno, je suis un peu mitigé. Et puis il y aura un petit peu de tactile avec, ce serait bien. Avec la manette de la PS4. Mon cher Jean-Michel, je pense qu'on dérive un tout petit peu. Barberousse, toi qui as justement l'air un petit peu plus intéressé, pas forcément par le porno, mais toi qui aimes le porno, Barberousse. Oui, tout à fait, mon cher Jean-Michel. Je suis un homme qui aime les nouvelles expériences. Qu'est-ce que vous préférez dans la réalité virtuelle? Moi, je pense surtout que ça va rester un gadget. Mais un gadget cher. Ouais, c'est comme les volants, comme les hotas, les manettes de gaz, le traquillère et tout ça, ça va rester un gadget qui va être super classe. Parce que moi, j'en aurai un, je m'en tape. Je vais y mettre le prix, j'en aurai un, je m'en fous. Qui va être super classe pour des petites utilisations comme ça. Je pense pas qu'on arrivera à un point où tout le monde va en avoir chez soi, ou même les HoloLens qui peuvent avoir des trucs sympas, mais j'y crois pas vraiment. Bah, HoloLens, en plus, c'est dont clairement ça a été mis en avant pour les entreprises, principalement augmentée, pour l'instant, etc. Mais voilà. Non, moi là. En plus, on a Kinect, on a déjà tout ce qu'il faut. Putain. le SteamVR, et c'est des choses intéressantes avec un placement dans l'espace, avec un déplacement dans son chez-soi, mais je me vois mal me balader pendant une demi-heure chez moi avec un casque sur la tête pour jouer à Mirror's Edge 2 et me balader sur mon canapé, etc. C'est non. Alors, il y aura peut-être de nouvelles utilisations qu'on ne sait pas encore. Ça, c'est tout à fait possible et c'est probable. Des vrais jeux, peut-être. Des vrais jeux faits pour et correctement faits pour et intéressants. Keep Talking and Nobody Explodes, c'est peut-être un exemple. Ça peut être très drôle. Alors, mais le problème, c'est comme tu dis, avec des systèmes qui coûtent aussi cher, à part, je sais que Sony, du coup, bosse avec son casque, vu que c'est leur propre studio, je pense qu'ils auront des jeux. Et encore que j'ai peur aussi, parce qu'ils ont déjà parlé d'un Until Dawn, justement, qui serait un train fantôme, et du coup, on va être sur des rails, ouais, voilà, et il y aura des gens qui vont nous faire bouh! Donc moi, j'ai un petit peu peur de ce genre de choses. Ce que je vous entends dire, c'est ce que j'avais l'impression d'entendre au début de la Kinect, quoi. Ouais. Ah, ils vont faire des jeux avec la Kinect, ça va être trop bien. Il y a des jeux rigolos avec la Kinect, plus, mais pas beaucoup. Mais ça marche bien, Kinect, en plus. Ouais, pas beaucoup, ouais, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, mais parce que personne ne l'aime, tout le monde a chié dessus directement. Mais je trouve ça encore pire que Kinect, parce que Kinect, il y a un aspect convivial. Vrai, ouais. Qui n'existe pas avec un casque. Bah, d'ailleurs, très clair, dans, d'ailleurs sur les salons, c'était hyper drôle, parce que quand tu voyais quelqu'un, on a fait l'essai avec Tom Choucrou qui essayait un jeu, où je lui ai frôlé l'oreille pendant qu'il jouait. Ah, là, on est voir. Bien, là. C'est dommage qu'on n'ait pas avec la langue. Ouais. Je lui ai frôlé l'oreille avec la langue. Il a fait un bond de 12 mètres en voyant valdinguer le clavier et poussant un petit cri perçant qui a fait se retourner tous les hommes et toutes les femmes de l'assistance. Mais dis donc, c'était ta langue dans mon oreille. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Metal Gear, bonsoir. Et toi, Bilou? La VR. Bah, j'ai rien essayé, hein. Ouais, je sais pas. Il y aurait moyen de sortir le sac à vomi, là, quand même. Je pense, en faisant des tonneaux. Bah oui, là, à mon avis. Mais même, genre, Elite Dangerous et tout. Hein. Le vomi. À mon avis, les jeux dans l'espace, avec ça, t'es à moins, tu sais plus où tourner, quoi. Vraiment. Non, je parle. Tu l'enlèves, on parle, tu te. On parle pas de Descent, on parle d'Elite Dangerous, c'est différent. Mais c'est ça qu'Elite Dangerous, ça peut. Ouais, c'est ça que Descent, t'imagines Descent. Ah non, mais Descent, c'est vomi total, hein. C'est... Oh putain. Je là, pense que tu. Déjà de base, c'était très compliqué, mais alors, avec un casque comme ça, c'est. Direct. Oh, attends. Dans mon avis, faut mettre une sangle sur ton siège pour être sûr que tu ne tôles pas, quoi. Parce que. Une sangle? Donc c'est pour ça que je pense aussi, hein, vraiment. Ils essayent de pousser à fond. On dirait qu'ils ont appris de leurs erreurs des anciens accessoires et qu'ils essayent de pousser ça à fond. Sony a l'air d'y croire à mort avec le Morpheus, mais. Et Sony, il croit à tout ce que les autres font. Mais là ils y mettent le paquet quand même. Hein. On fait la même chose. J'ai l'impression mais que là, un peu ouais, c'est... ouais. Mais je sais pas. Franchement, je suis curieux, mais en même temps de loin quoi. Vraiment. Michel curieux. VR du nom, on arrivera à les niquer comme ça. Ouais, je suis curieux, mais juste pour peut-être me foutre la gueule de ceux qui vont l'utiliser parce qu'ils ont l'air super cons. Mais on pourra faire, je sais pas, pour ceux qui ont vu le film Hamburger Film Sandwich, on pourra leur mettre des claques dans la gueule pendant qu'ils regardent le truc. Oh ouais, c'est une trop bonne idée. Ça va être absolument génial. Donc tu vois plutôt le VR à moitié plein. Attention. On n'a pas le droit de petit tambourin ? Bon, tant pis. Bah non. Et pourquoi j'ai tué l'arbre, c'est que c'est pas... un VR... Ah, le VR, à moitié plein. Putain, faut que j'explique les VR. Bah, ça méritait un super tambour. Ah, parce que... complètement. Ouais, double tambour. Sur un tambourin pour nous. Ok. Bon. Mon dieu, cette émission, c'est absolument n'importe quoi. Cette émission. On avance doucement. Là, en véritable heure, il est 23h, on est bien. Donc on a fini sur la réalité virtuelle, donc ça va débouler normalement. Oh mon dieu, quelle horreur. Bravo. C'est, il a compris. Donc on avance tranquillement et on va laisser tomber donc la réalité virtuelle qui arrivera normalement en masse un petit peu partout pour 2016, peut-être avec des vrais jeux. Alors le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui vont sortir mais qu'on n'a rien qui arrive derrière, c'est quand même un petit problème quand même. Et on va aborder juste gentiment moi un point qui m'a un petit peu énervé cette année, c'est le point Konami. Ça permettra à Barbarousse de crier son injustice avec l'annulation de PT, le jeu qui m'a fait chier dans le ben et qui justement en vert peut être absolument incroyable. Donc le cas Konami, donc rappelez-vous, il y a eu une rupture cette année. Un certain jour, on a appris que Hideo Kojima et Konami n'étaient plus à la fête. L'un dans l'autre, ils ont fini par se séparer tranquillement. Et maintenant, aujourd'hui quasiment, Hideo Kojima donc est parti, il est très loin maintenant, il va fricoter avec Sony, avec son petit studio Hideo Kojima Productions. Il a une exclusivité dans la poche. Cet homme est bourré de talent. Il aurait pu faire un petit Kickstarter de 40 millions de dollars en 3 secondes 50 en annonçant un clone de Metal Gear comme ferait Imnafune avec, avec Megaman. Mais non, il avance tout doucement et va nous sortir un superbe jeu de derrière les fagots. Et donc, que pensez-vous de cette affaire incroyable où Konami, on a appris qu'il salopait un petit peu ses employés, qu'il les a nettoyés le sol avec la langue uniquement. Voilà, Konami, c'est la fête. Ils ne pensent qu'à faire de l'argent avec des free-to-play dégueulasses. Ils vont faire de Metal Gear un jeu Kinect, peut-être, qui sait, ou un jeu smartphone absolument incroyable. Il faudra payer pour avoir le moindre petit carton et des stickers à coller dessus. Ça, on le saura un petit peu après. On a appris que, d'ailleurs, Pro Evolution Soccer devenait un free-to-play. Enfin bref, tout part en couille, mes amis, et donc énormément de licences ont été annulées, balancées aux chiottes, dont Pity. Et donc, je vais donner la parole à Barberousse, qui est triste avec cette musique particulièrement magnifique de Metal Gear Solid 5. C'était pour me donner de l'émotion à ton speech qui était absolument l'émotion. L'émotion, merci. Je peux pas remettre la musique porno si tu veux. La musique du porno marchait aussi. Parce qu'ils étaient l'un dans l'autre à un moment donné. On lèche le sol avec la langue, ça marchait aussi. C'était beau. C'est un peu sale, mais beau. Bah, en fait, moi, Konami, je m'en bats un peu les steaks, vu que je joue pas trop sur console. À part 2-3 licences qui étaient plutôt cool, je joue assez peu. Mais le fait que Pity, qu'on puisse avoir un jeu d'horreur en collaboration entre Kojima et c'était Guillermo del Toro, je crois. Ouais, c'est un chat noir, ouais. Guillermo del Toro. Il porte un peu la poisse, mais il fait des films avec un univers un tout petit peu inventif et surtout qui apporte facilement le malaise avec un univers très personnel, et là, en jeu vidéo, j'aurais vraiment aimé le voir. Bah, qui sait, après tout. Peut-être que ça va revenir. Ah oui, mais après, rien les empêche de bosser ensemble. Hein. Il a toujours dit qu'il voulait continuer à bosser avec Kojima. Norman Reedus aussi a dit que s'il pouvait revenir avec eux, il avait bien aimé ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant. Donc, franchement, rien ne l'empêche. Surtout que Pity, au final, n'a rien à voir avec Silent Hill. Il suffit d'inverser les lettres, et puis c'est bon, on fait Tipeee, et puis c'est parti. Il faut faire la montagne qui parle pas, ou un truc comme ça, c'est bon. Ouais, il faut faire ça, je pense. Ou j'aime bien vivre dans le brouillard. Alors, je suis une caverne ou un truc dans le genre, je sais pas, on peut trouver un truc ouais, comme non, ça. Je pense qu'il y a, on peut leur proposer quelque chose, je pense. Mais je pense que, comme dit Bilou, rien n'est perdu. Hein. Ah non, mais moi, je pense que c'est la meilleure chose qui ait pu arriver à Kojima, vraiment. Enfin, les mains libres, en dehors de ouais, Metal Gear. Alors, c'est con pour ceux qui aimaient Metal Gear, tous ceux qui ont aimé l'univers, tout ça. Mais je pense qu'à un moment, voilà, faut mettre un point final. Et je pense que MGS5 était un point final assez intéressant. Et vraiment, qu'il ait enfin soit libéré de toutes les licences qu'il a touchées. Même, c'est con pour Project Zero. Non, pas Project Zero. Comment il s'appelle? Zone of the Enders. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, non. C'était avec un Z aussi, mais je me suis dit, ouais. Je suis obligé de te donner un titre de Kojima, ça m'a fait mal. Mais, ouais, non, mais c'est, en plus, avec Killzone tout à l'heure, puis ça là, je vais te mettre à genoux, là, d'ici la fin du podcast. mais voilà, au moins, il est un peu libéré de tout ça, et je pense que c'est pas mal. Il repart sur des nouvelles bases, et je pense que c'est le mieux qui ait pu lui arriver à lui. Après, à nous, on le verra quand on le fera. Mais à lui, je pense que c'est le mieux qui puisse passer, même si ça s'est passé dans des conditions absolument innommables. Franchement, le respect est mort, définitivement, quoi. Et donc tu avais joué Pity et Barberousse? Non, j'avais vu des gens y jouer, ça m'a suffi. D'accord. Largement. Je sais que bizarrement ça a passionné beaucoup de monde de lire. C'est vrai que moi je l'ai fait deux fois. Et c'est vrai que c'est pour moi la plus grosse expérience de survival horror que j'ai vécu depuis très très longtemps. C'est hyper intense. Et c'est vrai que c'est à la fois visuellement, il y avait un vrai travail sur la lumière, il y avait un gros travail sur l'ambiance, et en plus c'était super intelligent parce qu'il fallait réfléchir à ce système d'espèce de boucle temporelle complètement tarée où tout évoluait au fur et à mesure de déclenchement de certains trucs un petit peu chelous, pousser les gens à travailler un petit peu ensemble, à explorer vraiment un niveau qui est tout petit, mais mine de rien, à te promener, regarder un petit peu partout, essayer de comprendre cette logique tarée, c'était assez particulier. Puis il y avait vraiment une ambiance complètement folle. Moi, j'ai chié dans mon ben. Hein. J'ai vraiment c'est chié dans mon ben. C'est bien pour ça que j'y ai pas joué. C'est que je suis super sensé à ce genre de truc. J'ai essayé même juste la démo d'Amnesia, c'était même pas la peine. Mais à regarder, c'est vrai que c'est tendu, Amnesia. Ouais. En tout cas, Pity, c'est tellement triste que ça soit annulé, mais en même temps, c'est tellement bien que ce soit pas Konami qui reprenne Silent Hill, parce que c'était déjà bien pourri les derniers trucs Silent Hill quand même, que voilà, je suis content que limite quelqu'un d'autre reprenne un petit peu les rênes d'un autre projet horrifique Silent Hill, même si j'ai plutôt apprécié le dernier, le dernier était plutôt sympathique, il y a eu des très très bonnes idées, mais qu'il y a fait un livre. Oui, aussi, très intéressant, Shattered Memories. Belle revisitation, ça n'existe pas, mais je le dis comme ça, dans une autre langue. Mais non, c'est un très bon remake, on va dire, de tout ça. On va continuer à avancer, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire sur Konami. Ça me semble important quand même de le signaler, mais ne vous attendez plus à avoir des belles licences, parce que je crois qu'ils recrutent pour Metal Gear Solid, mais j'en ai déjà plus rien à foutre. En machine à sous, sûrement. Ah, les machines à sous, ouais. En même temps, moi je m'en foutais avant, alors si ça se trouve, ça va devenir... Vous êtes toujours triste qu'une société comme Konami, hein. C'est quand même Konami, ils ont quand même fait de sacrés bons jeux. Que Konami, c'est récemment, quand même triste, Capcom aussi qui a lâché l'affaire. C'est il y a longtemps, mais au Japon, désolé pour tous les nippophiles, c'est vrai que c'est très à la mode d'être nippophile actuellement, mais... Steam, c'est pas une question de mode. Il y a un petit souci de création. Non, mais quand même. Je suis d'accord, mais ça faisait quand même toujours mal, justement, de voir des sociétés qui ont apporté tellement aux jeux vidéo, de les voir partir complètement en vrille, et pas se remettre en question, et faire autant de merde. Ça fait mal, mais moi je trouve que c'est une non-surprise totale. Konami, ça part en déconfiture depuis très longtemps. J'ai l'impression de voir une fin logique, comme il y a pu avoir pour Sega. Cet homme n'a pas de cœur. Mais ça t'a pas rendu triste, salaud. Alors, plus maintenant. Mais plus maintenant. Faire le deuil. Ça m'aurait embêté peut-être il y a 5 ans. Aujourd'hui, avec ce que fait Konami, franchement, je m'en fous complètement. Alors, ça m'embête pour ses employés qui sont des gens qui méritent de vivre comme tout le monde. mais ce que fait Konami, non, je m'en fous d'une force. Il y a que Pity, où ça me gêne vraiment. Parce que autant Kojima, moi, je pense que c'est une escroquerie, mais c'est un gars qui a des idées. Et avec Pity, il était associé avec un vrai œil de réalisateur. Et là, du coup, ça faisait des étincelles. Donc ça, j'attendais ça énormément, donc je suis très dégoûté pour ça. Moi, je trouve que la plus grosse perte, c'est le Fox Engine quand même, hein, qui était un moteur. Ça a coûté une blinde, cette connerie. Un moteur qui promettait beaucoup avec, je crois qu'il s'appelait Julien Merceron, je crois qu'il avait bossé dessus, là, un type extraordinaire qui avait conçu le moteur, qui promettait beaucoup, parce que le moteur est vraiment superbe, il arrive à faire des choses vraiment extraordinaires, et je pense qu'avec pas mal d'améliorations avec le temps, aurait pu devenir une belle démonstration. Et c'est vrai que voir tout ça foutu en l'air parce qu'il y a des mecs qui ont décidé on ne sait quoi, enfin, c'est vrai, ça fait mal au cœur, quoi, vraiment. Bah, c'est des décisions un petit peu bizarres, c'est de l'argent foutu en l'air, c'est un peu comme le moteur de Square Enix qui est même pas utilisé pour Final Fantasy VII. C'est quand même un aveu d'échec un petit peu incroyable, tout cet argent foutu en l'air pour des jeux un petit peu particuliers, pour finalement prendre l'Epic parce que c'est déjà bien fait et qu'il suffit de le prendre et puis ça fonctionne tout de suite, messieurs. Clé en main, vous pouvez faire un jeu très rapidement. C'est quand même effrayant de dire que des gros studios comme ça ont quasiment plus les moyens de faire leur propre moteur. Ouais, c'est dingue. Exactement. Alors, puisque tu vois que ceux qui arrivent à faire des moteurs après font des jeux un peu pourris comme ceux qu'ont fait les Crysis là. Bon, après, ils ont du mal à leur revendre aussi leur moteur en même temps quand je dis ça. Mais c'est devenu gratuit, de toute façon. Il y a 3-4 modes différents qui sont devenus gratuits. C'est pour ça qu'on a plein de trucs qui arrivent qui sont très rigolos. Enfin, on verra bien. Avec le CryEngine. Entre autres. D'accord, ok. Ah, puis dans le Euro Truck Simulator, t'as des super moteurs aussi. Attention. Ah, il faut que je le mette aussi. Ah, moi je veux le petit truc, c'est important. Vive les moteurs. Je commence à être fatigué. On continue à avancer tranquillement. On va faire une petite question un petit peu, voilà, une petite question comme d'habitude là sur les jeux à offrir. Alors une question un petit peu sale, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire des choses très méchantes. Quel jeu offrir à sa belle-mère pour Noël? Alors je vais commencer par Ron, que j'aime beaucoup sa réponse. Alors à ma belle-mère, moi je lui offrirais bien World of Warcraft. Parce qu'avec un petit peu de bol, elle va accrocher au jeu et bah elle nous foutra la paix. Ouais, donc belle maman, vous savez qu'à Noël vous n'êtes pas la bienvenue, donc restez chez vous. C'est plutôt important. Bon, le mieux, ce que tu pourrais faire en plus, c'est de lui offrir un peu raid niveau 100. Comme ça, tu peux la traiter de grosse vache, elle s'en rend même pas compte. Ouais, t'as des super bonnes idées. Ils sont très sympathiques, ces gens-là. Bilou, qu'est-ce que tu offrirais à ta belle-mère? Le jeu Cauchemar en cuisine. Ça existe, ça? Et ouais, malheureusement. Ouais. Est-ce que Philippe Chivet, j'étais... Non, en fait, c'est le jeu, la version anglaise, le Hell's Kitchen, je ne sais plus quoi. Ah, avec Gordon Ramsay. Oui, voilà. Donc, c'est sorti en 2014, apparemment. Il y a une vidéo, il y a une seule, apparemment, vidéo sur YouTube d'un type qui joue. C'est pas terrible, hein, mais peut-être que ceux qui aiment, ils trouveront leur compte. Faut mélanger les ingrédients, faut accueillir les clients, faut tout faire. Et puis, sûrement que ça s'ajoute au fur et à mesure, oui, c'est une sorte de jeu de gestion. Mais on peut faire pleurer les propriétaires ou pas? Tu es le propriétaire en fait et t'as Gordon qui te surveille et donc justement t'as Gordon Ramsay qui te dit Tu sais, il faut que tu te barres comme dans comme dans les jeux d'horreur assez récents où tu dois te retourner pour essayer de l'éviter de balancer des couteaux de cuisine. C'est même risque. En fait, oui, il a une barre de colère qui monte au fur et à mesure que tu fais des conneries. Et puis je sais plus ce qui se passe quand il s'énerve. Enfin bon, mais ouais, non, c'est les doigts dans le nez en coupant les légumes. Papa, tu vas pas leur servir ça, enfoiré. Tu m'as fait manger ça. Tu m'as fait manger ça. T'as écrit produit maison, pas du tout. C'est même pas frais, enfoiré. J'espère que tu vas mourir. Voilà. Je pense que Ron devrait créer un jeu un jour. Un jeu Kinect avec tout ça dedans. Voilà, voilà. Ça va être formidable. Et à quel moment t'as réussi à tomber sur le jeu Cauchemar en cuisine? Non, c'est ta question qui m'a dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc j'ai pensé à ça. Donc, comme ta belle-mère cuisine très mal, tu t'es dit tiens, faut lui apprendre à faire à manger. Non, c'est pas qu'elle cuisine très mal, c'est. Enfin, bon, je veux pas m'attarder sur les détails, mais. Ouais, démerde-toi avec ça maintenant. Non, c'est juste que je trouvais le clin d'œil sympa. Non, il y a trop rien à dire, mais c'est juste que je trouvais le clin d'œil sympa, mais c'est juste. Il faudrait connaître pour retrouver ça marrant. Mais je me suis dit un truc à la con, en rapport avec une cuisine, et je sais pas comment j'ai réussi à trouver ça. Je suis peut-être tombé dessus par hasard, et puis je me dis tiens, ça passerait bien, donc ouais, voilà. N'empêche, Mindscape serait encore vivant, ils auraient fait une version avec Philippe Echtebecht, et ça aurait été vachement bien. C'est bien dommage. Bah oui, en plus, Matt s'est marié très récemment, donc ouais. Là, on va écouter avec attention, là. Bah pour moi, la belle-mère, il y a deux cas de figure. C'est soit tu la kiffes et tu lui achètes un petit Animal Crossing. Tu la sens venir, ma question, à la fin. Parce que... ouais. Pourquoi? Ah, ouais, tu verras. Tu verras. On l'a tous soit de tu venir, la kiffes, hein. Soit... soit bah, tu lui offres un joli pack Wii Fit et tu lui fais un bon clin d'œil. Et donc, tu lui as offert quoi? Le silence en bilan. Voilà, Joker. Donc, j'espère que votre Wi-Fi vous plaît beaucoup, belle maman de Matt. Barberousse, un peu bizarre ton choix. Ah non, c'est tout à fait logique. C'est dans la lignée de Wi-Fi. D'accord. Et franchement. Hier, ça par contre, ça. Crypt the NecroDancer. Déjà, c'est un bon jeu. Alors, faut être sympa déjà avec Mamie. Deux, c'est un jeu de rythme. Donc au moins. Mamie. Au moins, comment dire, elle va pouvoir commencer à bouger son boule. Elle pourrait faire perdre son gros boule. Et puis surtout, un nouveau bonus, c'est que ça pourrait faire bouger aussi sa fille. Parce que je vous rappelle quand même que pour voir ce que va devenir la fille, il faut regarder la mère. Et quand on regarde la belle-mère, il faut un peu se méfier. Donc moi, c'est un message d'espoir pour tous les futurs mariés. Exactement. Vous pouvez écouter la musique très bien. Attendez, t'as bien entendu ce conseil, Matt? Oui, je note là. Tu l'avais bien regardé avant ou pas, la belle-mère? Mais il parle pas trop fort parce que madame est à côté. Crypt of the NecroDancer, excellent jeu. Je répondrai par oui ou par non. Et ça fait bouger des culs. Ouais, ça, très bonne BO de. C'est Aaron. J'allais dire Darren Aronofsky, mais c'est le réalisateur de Requiem for a Dream. Oui, c'est pas pareil. Jeu très. Qui est pas glauque du tout non plus, le film d'ailleurs. Pas du tout, non. Très très joyeux avec du cul à cul absolument mythique. Oui, non. Bon. On va enchaîner, on va arrêter Crypt of the NecroDancer. On va arriver tout doucement, un petit peu quand même, à la fin de l'émission, parce qu'on avance tranquillement, on approche des deux heures quand même. Et une petite touche d'espoir, les amis. Et là, on arrive dans le côté un petit peu plus guiret. Ça me semblait important, et Barberousse a vraiment appuyé là-dessus. Il voulait absolument parler de ça, parce que c'est un homme qui a du cœur. On le sait pas, comme c'est balance des saloperies, mais c'est un homme qui a du cœur. Tu n'as pas de cœur. J'ai du foie dans le frigo. Tu as du foie, parfait. Tu aimes le cœur comme Hannibal Lecter et ça c'est ça beau. Rime. En tout cas, tu voulais. Mais bien sûr, attends, tu crois que je prépare rien du tout quoi. Donc il y avait les œuvres caritatives. Ouais, justement des œuvres caritatives autour du jeu vidéo qui sont en train de se multiplier en ce moment. Alors ça existe depuis 5-6 ans, voire en France, on va dire, et depuis un peu plus longtemps aux États-Unis, à travers notamment deux gros événements, un qui va arriver dans pas longtemps, c'est l'AGDQ et la SGDQ. Donc l'Awesome Games Done Quick. Et la Summer Games Done Quick. Donc en gros le principe c'est de terminer une semaine de marathon de jeux vidéo en continu 24h/24. Et le but c'est de finir comme ça un maximum de jeux pendant ces 7 jours et de récolter un maximum de dons. C'est de la tuerie. Parce que le principe c'est qu'on va retrouver 15, 20, 30, 50, 150 runners, mais des mecs vraiment balèzes, qui vont en live vous terminer des jeux en 27 minutes. Le record c'était quoi avant, le record qui était tombé, c'était Ocarina of Time terminé en 35 minutes. Ah ouais, d'accord. Autant vous dire que ça vous met une petite claque, c'est genre des Mega Man terminant 12 minutes, etc., etc. C'est vraiment des trucs de fou. Et tout ça pour récolter des dons. Bah, la dernière fois, la SGDQ, pendant l'été, ils ont récolté à peu près 1 233 000 $ pour Médecins Sans Frontières. Ah, joli. Ça va, c'est pas mal. Ah, bravo. La SGDQ aux États-Unis va se passer du 3 janvier au 10 janvier. Une semaine complète de speedrun, et pour, malheureusement, si vous êtes anglophobe, et c'est mal barré, sauf que depuis quelques années, en fait, il y a un restream français qui s'est mis en place, totalement bénévole, en fait, et c'est généralement des youtubeurs, etc., qui se regroupent et qui en fait, vont recommander le flux en continu, comme ça. C'était géré par Mister MV avant, et là, maintenant, c'est géré par Gaming Live, toujours avec des youtubeurs un peu connus qui vont commenter les runs. Je vous rassure que la run de FF8, qui dure 12 heures, faut se la manger quand même, hein. C'est un peu hard. Mais du coup, si jamais ils font un run sur le remake d'FF7 sur le chapitre 1, ça va durer 2 minutes. Bah, je pense, ouais, on suit de run, je sais pas. Ouais. Alors, ça existe, ça existe aussi en France. Il y a des petits événements comme ça, comme le Désert Bus de l'Espoir. Vous avez peut-être entendu parler. Ouais, qui a fini il y a pas longtemps d'ailleurs. 30 000 €, quelque chose comme ça. Et pas mal aussi. Il y avait aussi les nuits de Crone. C'est un peu plus modeste, mais ça marche aussi. Donc, et je crois qu'ils ont eu aussi une même chose pour le Téléthon. Et rien à voir avec Rhône, hein, lui n'envoyait pas de sous, hein, cet enfoiré. Hein. Même si ouais. Ça a à voir avec le tour du monde. Mais si. Donc généralement, il y a des partenariats avec Twitch ou autre chose. Il y a Yeti aussi, le petit t-shirt qui est partenariat de l'événement SGDQ, qui font des t-shirts qui déchirent, juste pour l'événement. Il y a vraiment des trucs super. C'est là qu'il faut les récupérer. Et il y a même des trucs absolument géniaux. Et là, c'est un peu spécifique pour le TAS, donc le Tool Assisted Speedrun, c'est-à-dire les jeux finis très vite, mais assistés par ordinateur. Cette année, on a eu un truc de taré. Donc, les mecs avaient préparé ce qu'on appelle un TASBOT. Donc, en gros, ils avaient une Super NES avec la petite manette basique. Ils avaient connecté un petit robot. Vous vous souvenez de Roby le robot qui pouvait appuyer sur les boutons, etc. Oui. Sauf que là, ils sont connectés à tous les boutons de la manette. Et ce robot-là est connecté à un ordinateur. Donc, le principe, c'est qu'en faisant bugger une cartouche de jeu, là, c'était Super Mario World, ils vont relancer la console, refaire bugger la mémoire et essayer de reprogrammer des choses. En début d'année, pour la Awesome Game Dance Queen, donc en hiver, ils ont reprogrammé Super Mario World 1 en live sur la cartouche Super NES. C'est-à-dire que tu pouvais jouer à Super Mario World, la version NES, sur la cartouche Super NES. Fait tous gens, on a compris. Ils font planter la console. Ah, d'accord. Avec les inputs de la manette. Pendant que la console est en train de planter, en train de redémarrer, ils entrent des fonctions, ils entrent des commandes, etc. Ces commandes sont interprétées par la machine comme un langage de programmation. Et en fait, là, pour le show, ils ont reprogrammé Super Mario Bros. 1. Jouable. D'accord. Et cet été, ils ont fait encore pire. Ils ont programmé un chat Twitch. Non, oui, c'est-à-dire que le chat Twitch qui passait en live en permanence, il était recopié à travers ce robot-là sur la Super NES qui repassait sur la télé. Oh putain, c'est balèze. Des trucs de taré. Alors c'est un petit segment comme ça, t'as énormément de choses, des jeux PC, des jeux consoles. Le but c'est de faire le show, de montrer les bugs, montrer les problèmes, finir le jeu très très vite, c'est super. Ouais, c'est bien parce que c'est un peu tous les dérivés qu'on a du jeu vidéo. Exactement. Et de le mettre un petit peu, voilà, il le donne au grand public pour qu'il découvre un petit peu tout ça, etc. Et en même temps de donner des sous et d'essayer un petit peu de les sensibiliser à toutes ces maladies un petit peu vilaines qui font du mal aux gens. Et ça, c'est pas bien, on le répétera jamais assez. Les maladies, vous êtes vilaines. C'est très très cool, c'est très très bien. C'est un peu pointu quand même. Quand on regarde un jeu qu'on a fait, ton petit, qu'on a aimé, c'est génial. Mais quand il passe à 4-5 heures du matin et qu'on se lève, après, c'est très compliqué. Vraiment la tête dans le gaz. Ah, ça, mais c'est génial. C'est quand même un petit peu du velu aussi, là, de ce côté-là. C'est vraiment pour les passionnés un petit peu de programmation, les curieux, quoi. D'accord. Mais c'est vraiment un événement à faire. Vous pouvez le... Bah, quand tu vois un jeu que t'as jamais réussi à finir, fait par un mec qui a un bandeau sur les yeux, c'est sûr que c'est oui, un peu vexant. Oui, c'est vrai que vous pouvez aussi débloquer un peu mal. Une run de Super Punch-Out. Bon, vous connaissez le principe, hein, le jeu de boxe Super NES. Oui, tout à fait. À l'aveugle. Oh, putain. Donc le mec, il avait déjà fini ce Punch-Out normal sur NES à l'aveugle l'année dernière, et là il a essayé de le finir à l'aveugle, ce Super NES. Voilà. Mais ça veut dire, mais comment, il y a des patterns automatiques, parce que comment tu peux finir Super Punch-Out à l'aveugle? Le son. D'accord. Et le mec apprend les patterns comme ça au son, Et le problème, la fin de ce jeu-là, c'est vraiment le dernier boss, Mike Tyson, qui est vraiment, vraiment aléatoire. Et vous verrez bien s'il a réussi ou pas, mais ça se trouve sur Internet. C'est des trucs de fou. Mais des runs... Il y avait un Zelda Ocarina of Time aussi, Blindfold. Il avait fait aussi pour Zelda Ocarina of Time, cette fois-ci seulement les donjons étant petits. Non, mais c'est... Donc, non, le mec, mais il est fait... sérieux, quoi. Les mecs il y a sont un bandeau sur les yeux. Et, ça, et puis c'est un message d'espoir pour tous les non-voyants. Quoi. Et voilà aussi, mais c'est un sacré, c'est vraiment des performances. Quoi. Je pense qu'à la base, ceux qui arrivent à jouer sans regarder, c'est ils avaient joué en regardant. Quoi. Mais je pense qu'il a au moins joué une fois avant. Blague. Ouais, il y a des chances, ouais. C'était l'intervention pertinente. C'était très intéressant. Il est vraiment tard. Hein. Oui. Alors, on va terminer tranquillement. Cette émission qui dure depuis un certain temps, on a fait, je pense, un petit peu le tour. Est-ce que des gens ont des choses à rajouter? Parce qu'on a, il y a des jeux aussi qu'on, oui, il y a tellement de choses. Donc les jeux, il y a aussi des jeux qu'on a déjà oubliés en 2015. Alors rapidement, moi, il y a un jeu qui m'a profondément pas marqué alors que je l'attendais un tout petit peu. C'était The Order, par exemple. Alors, je vais vous demander à chacun s'il y a un jeu qui avait fait la hype un petit peu que vous avez complètement oublié déjà. Donc moi, c'était The Order et Evolve. Donc The Order, le jeu, l'exclusivité, l'exclusivité de ouf. De Sony, un jeu qui était tellement beau que c'était mieux qu'un film, etc. Et ben finalement, c'était ni un bon film, ni un bon jeu. C'était chiant comme la pluie, ça se terminait en 4 heures. Donc The Order, ouais, franchement, c'est un peu du Underworld du pauvre avec un scénario encore plus pourri. Par contre, avec une technique qui était très très jolie, mais avec quelque chose d'assez classique au niveau de l'ambiance, etc. Enfin, c'était vraiment assez triste de voir un aussi gros jeu tomber dans l'anonymat le plus total. Finalement, il était à 20€ quelques semaines après sa sortie. Rhône, je t'ai entendu rigoler. Est-ce qu'il y a un jeu que tu as déjà oublié en 2015? The Order, tu me l'as enlevé de la bouche, mais limite je l'ai pas oublié tellement il m'a distrait négativement au moment de sa sortie. Je reviendrai plus sur il y avait des belles moustaches sur lequel je croyais pas mal. Dans The Order. Oui, c'était sa grande qualité moustaches. D'ailleurs. Non, Evolve, je croyais pas mal au concept et je pense en plus que c'est pas mal, mais à vrai dire, je peux pas dire que je l'ai oublié parce que j'y ai pas. Je crois qu'il y a trois personnes qui jouent encore. Ouais. Voilà, j'ai acheté un PC Evolve, brandé Evolve par Nvidia, les pauvres. Oh la vache. Comment nous l'avait revendu ce truc? Non mais de toute façon c'était un jeu qui avait fait la hype, mais vraiment la hype de fou. Et ça s'est écroulé. Quand on parlait des DLC tout à l'heure, avec les monstres en plus, etc. etc. Là, c'est trop bien, gameplay asymétrique et tout, vous allez jouer le monstre et puis... Et comme quoi tous les concepts ne marchent pas, tu vois. Mais les mecs, ils avaient fait quand même Left 4 Dead, quoi. Enfin, ils ont oublié, sauf qu'ils ont oublié le fun. Bah ouais, c'est pour ça. Le fun. Ah, ils ont pas oublié la com. Sur le papier, ça avait l'air assez bandant. Ah, c'était bandant. C'était plutôt bandant. C'était comme si je jouais Predator, mais en chiant. Alors que t'avais eu Alien vs Predator 5-6 ans avant, qui était vachement mieux. Exactement. <ouais. rire> Qu'est-ce qu'il fait, Matt? Au lieu de te foutre de ma gueule. Bah vous m'avez enlevé aussi Evolve de la bouche, mais le jeu que j'ai oublié c'est Hatred. Ah ouais, Hatred, ouais, on a tous parlé pour la même chose, pour la même connerie de toute façon. Un jeu pourtant plein de bons sentiments, mais voilà, c'est vite oublié. Aussi, vous aider les malades, mais en les butant un coup de shotgun. Voilà, c'est ça. La définition même de l'humanisme, voilà, décédé, RIP 2015. Soigné à coup de shotgun, voilà, c'était sur la pierre tombale. Barberousse, est-ce qu'il y a un jeu qui a fait beaucoup parler de lui mais que tu as déjà complètement oublié? Bah ouais, indice. Bah, il est sorti sur PC cette année, je l'ai fait et puis je l'ai rangé. Ah, GTA 5. Rien quoi, c'est rien. Attention, abusé, mais... attention. Merci Barberousse. Ah, on aime. Je suis désolé, franchement. Les gens. Il est mieux que le 4, ça on est d'accord, mais vraiment pas le niveau, quoi. Qu'est-ce qui t'embête? Bah oui. Et moi, ça m'emmerde toujours, ces ambiances gangsters, ville un peu crade. Et puis, il est tellement stéréotypé, et puis les trois personnages sont vraiment pas terribles. C'est pas si bien écrit que ça. Il y a une critique de la société, ouais, d'accord, mais elle est quand même assez limitée. C'est très répétitif. Non. Par rapport à un Red Dead, non, il y a pas moins. Puis par rapport à un Witcher, non, on en est très loin. Je l'ai fait pour le faire, pour le finir, c'était sympa quand j'y ai joué, mais franchement, il m'est sorti de la tête. Est-ce qu'ils ont déjà tout dit, entre guillemets, avec les GTA? Est-ce que... Ah bah ça ressemble. Là, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression de faire toujours le même jeu finalement, avec quelques personnages différents, puis un peu toujours les mêmes critiques, que c'est un peu toujours les mêmes qui prennent entre guillemets quoi. Donc ils sont toujours bien faits les jeux. Ils sont très bien faits, bien finis, etc. Mais je sais pas. Ils arrivent pas au niveau de Red Dead. Je pense que le public n'est pas le même aussi. C'est pas le même aussi. Pop, le multijoueur était pas foufou non plus. Mais... Parce que ça se vend pas à palette, il serait quand même très con d'arrêter de faire du GTA, mais est-ce qu'il serait quand même pas temps de renouveler? Après, je sais pas comment tu peux renouveler un monde ouvert comme ça, ils ont déjà apporté quand même quelques petits changements, mais c'est ça que c'est chaud, c'est plus au niveau de l'écriture, je pense qu'ils ont du mal à étonner encore un petit peu, ou alors il faut rentrer dans la complaisance, dans la violence, etc. Voilà, c'est ça, il y a un petit souci quand même sur ce GTA. Il y avait des GTA choses 5, intéressantes avec ce personnage de quarantenaire qui est sur le retour, qui perd complètement sa vie de famille, mais après les autres sont tellement clichés... Trevor est très rigolo, mais c'est juste par moment, je sais pas, ça passe pas chez moi. Bon, ça t'a laissé de marbre, GTA V. Je suis pas d'accord du tout, mais bon, soit, on va passer. Là n'est pas le propos, jeune homme. Bilou, est-ce qu'il y a un jeu, bon, toi plein, j'ai l'impression, cette année. Oui, mais pas parce qu'ils ne valent pas le coup, forcément. Mm-hmm. Mais le jeu que j'ai oublié, bah, j'ai même oublié d'en parler tout à l'heure. C'était Battlefield Hardline. Bah c'est bon, après bon, Dice n'y a pas trop touché, et d'ailleurs on le sent parce qu'il y avait des bonnes idées dedans. C'est un peu le petit frère un peu dur. Débile. Ouais, mais voilà, c'est un peu ambivalent en fait. Alors j'y ai joué pas mal parce que je l'ai testé pour un site, donc j'ai pu y jouer pas mal sur le multijoueur, j'ai fait le solo aussi. Le solo est plutôt bien écrit, mais alors, je veux dire, vraiment, le fait qu'on puisse faire tout le jeu sans tuer des gens, en faisant que les arrêter, c'est un peu étrange, parce qu'à un moment, dans le scénario, t'as plus aucune raison d'arrêter des gens, mais... Comme il dirait à Gamerside, je suis flic! Oui, voilà, c'est ça, en gros, t'es flic, et les mecs, ils arrêtent tout de suite, ils ont peur, quoi, comme si on était encore à l'époque où tu brandissais un insigne, et les mecs, tout de suite, ils chient dans le froc, bon, bref. Voilà, c'est un peu bizarre, ça me fait un peu chier pour les développeurs, c'est viscéral, je crois, hein, ce qui est fait Dead Space. Oui, ils commencent à t'habituer à faire un petit peu des jeux dont tout le monde se fout, quand même, ils avaient fait Army of Two, je sais plus quoi, là, Army of Two. C'est possible peut-être, mais, cartel, mais, je sais pas mais quoi. ils étaient quand même plutôt doués avec Dead Space, ils avaient fait quand même des trucs sympas. Bon, ça s'est un peu décliné avec le temps, ouais. Mais il y avait des bonnes idées en fait dans Hardline. Quand j'y ai joué, je me suis dit c'est pas con d'avoir fait ça. Le jeu était plutôt jouable de base, je crois, mes souvenirs. Mais il y a un truc qui a pas marché. C'est difficile de mettre le doigt dessus. Moi-même, j'ai un peu de mal à mettre le doigt dessus, à dire ce qui a pas marché. Est-ce que c'est l'ambiance flic voyou? Je ne sais pas. Moi, sur solo, je sais que je suis en train de le faire avec le EA Access et je me fais un peu chier. Ouais, parce c'est que pas c'est des tout petits trucs. Tu fais des petites missions, puis tu vas à gauche, à droite, puis finalement, t'as une fusillade, et puis après, tu t'en vas, et puis, enfin, voilà, c'est... Mais c'est même pas fun à jouer, genre. Tu peux non, dire vraiment, avec des armes, tu dis tiens, je prends non, puisqu'on t'impose des armes, on t'impose du micmac, alors tu peux même pas dire que si tu vas essayer ça, ouais, avec grappins, tel machins, truc. T'as des fausses enquêtes un peu pourries. Ouais, et puis les indices à trouver, c'est un peu bateau. Et puis t'as tous les clichés de la série de flics américaines qu'on se tape tous les jeudis sur M6. Enfin, voilà, c'est un petit peu relou, quand même. Et même le multijoueur n'a pas accroché, mais non, il doit y avoir trois pèlerins dessus, hein, vraiment, c'est bon, voilà. Mais c'est dur à définir, mais pourtant, c'est à dire que c'est un Battlefield, mais il y a un truc qui a pas marché, il y a un truc qui a pas pris. Mais... Bah, ils ont juste voulu prendre le nom parce que ça fait vendre, mais autrement, il aurait pu s'appeler autrement, il aurait pas eu de soucis, quoi. À mon avis. Bon, ouais. À mon avis, c'était peut-être le gameplay qu'avait le cul entre deux chaises. Ouais, c'est ça, bah, la stratégie, entre guillemets, pure qu'on peut avoir dans un Battlefield où on peut poser son équipe, développer sa stratégie, faire revivre les mecs, etc., etc. Et le côté plus speed qu'on demande à un hardline sur des cartes beaucoup plus petites au final, c'était, je pense que la chimie y était pas. Il y a des trucs sympas quand tu démarres en flic et tu prends en voiture et t'arrives devant le coin et puis, grand coup de frein à main, tu sors, freeze motherfucker, puis tu commences à tirer dans le tas, c'est rigolo. Mais c'est ça, il y a plein de minutes. Petites idées comme ça qui prises indépendamment étaient sympas. C'est une blague dedans. C'est une vraie blague. T'as trois trucs qui se détruisent, tu les vois à l'avance. Ah oui, non mais ça c'est une blague dans longtemps. On se fait bien niquer avec ça. Le Revolution est bien. Au départ l'idée est bien, mais elle est très mal appliquée. Le moteur il est nul à chier, il faut qu'il s'arrête à la destruction. D'ailleurs ils en parlent même plus. Hein, maintenant quand on regarde le marketing, ils en parlent plus parce qu'il y a plus de destruction. Maintenant c'est fini. Je veux dire le dernier Battlefield il y a une destruction, c'était Bad Company 2. C'était le dernier où il y en a vraiment. Il y avait déjà le 3, mais en fait, le problème, tu avais aussi le problème dans le 3, ça sera très rapide, c'est que il parlait du Levolution dans le multi de base. Déjà, dès le premier LDLC, il n'y en avait plus. Dès le premier pas, non, pas ajouté, il n'y en avait plus. C'était du marketing, quoi. C'est pour faire la pub, mais c'était très bien avec le Tiger Woods, le Evolution. C'était super classe. Quand t'as le bateau qui arrivait sur le terrain de golf, c'était quand même tellement génial. Alors, il était tellement oublié que vous n'arrêtez pas d'en parler. Non, mais c'est parce que c'est con pour lui, quoi. Il y a des, voilà, bon, c'est dommage. Il y avait des idées, non, mais c'est une licence qui est, voilà, ils avaient mis le paquet sur la com, mais ça n'a pas bien fonctionné. Bon, bah, écoutez, c'est très bien. Je pense qu'on va conclure tout doucement, mais on ne pourra pas partir sans vous demander votre jeu de l'année. Attention. Il va falloir peser le pour et le contre et décider quel jeu pour vous est le meilleur titre de 2015. On a déjà eu quelques indices hein, au niveau de Chéron. Je pense que vous avez deviné celui de Barberousse. Donc, allez, le jeu de l'année de Matt. C'est une pause toilette. Alors, je suis en train de vérifier, mais merde, je peux pas dire Hearthstone, c'est du 2014, donc je vais dire Heroes of the Storm. Donc, pour toi, c'est le jeu de l'année. Alors, pourquoi ? Juste vite fait, parce que du coup, c'est pas vraiment le type de jeu auquel on parle d'habitude. Bah, très accessible pour les débutants, ce qui est mon cas en termes de MOBA. Très accessible donc en termes de build, mais au final assez profond parce que ça te permet pas mal de combinaisons. Et voilà, le fait de retrouver les héros de tous les univers Blizzard, c'est assez énorme. Jeu totalement free to play, donc à tester pour tomber. On laisse addict. Un tout petit peu la musique. Heroes of the Storm, le jeu de l'année de Matt. Sinon, il aurait mieux Hearthstone. Sinon, il aurait mis Hearthstone. Le mec, il est Blizzard addict. Ouais, mon coup de cœur, c'est Blizzard de toute façon pour 2015. Et sûrement Blizzard pour 2016. Ah, aussi. Tu vas jouer à Overwatch ? Ouais, il y a de grandes chances, ouais. Qui sera payant complètement. Et alors ? Non, mais c'est une très bonne idée. Barberousse. Est-ce qu'il y aurait des cheveux blancs dans ton jeu? Il y a des cheveux blancs, il y a une cicatrice, il y a des yeux brillants, il y a une jolie musique. Et il y a des boobs. Beaucoup moins, et ça fait du bien. Mais Witcher 3, bordel de merde! Jouer à Witcher 3! Non, mais c'est... CD Projekt Red a carrément fait évoluer le RPG, là. Ils ont mis la barre au-dessus. On peut rien faire. Pour l'instant, ils ont imposé un nouveau standard. Que ce soit au niveau d'univers, de cohérence, de personnages, de scénarios, de monde ouvert, qui est une tuerie, ce monde ouvert. Bon, faut y avoir joué, d'accord. Il est complètement fou. Est-ce qu'il est mieux que c'est mieux que Fallout 4? Sans. Voilà. C'est vraiment pas la même chose. Mais là, t'as un vrai personnage, t'as un vrai univers, t'as un vrai scénario, tu as les conséquences de ce que tu as fait dans les épisodes précédents. C'est un personnage que tu suis depuis 5-6 ans, depuis Witcher 1, le premier, en tout cas pour moi. Et je vais pas dire que c'est le jeu parfait, mais vraiment, on n'en est pas loin. Les combats sont dynamiques. Bon, il y a un petit problème avec Witcher 3, c'est les combats, c'est ça. Et dès qu'on commence un combat, c'est... C'est vrai que ça se met en route à chaque fois. Et puis on arrête, et puis après on va se balader un peu en ville, et puis ah tiens, il y a des loups. Et puis après, on se rebalade un peu, on va voir Chris Périgold, on essaie de mettre la main au cul, ça marche pas, et puis après, on s'en va, il y a des ghouls. C'est insupportable. Il y a juste ça. Mais vraiment, c'est la seule chose. Il est énorme. J'ai pas encore fait les DLC parce que j'attends un petit peu que ça retombe. D'accord, et tu vas te relancer après, tu digères un petit peu et tu continues après l'aventure. Bah, rien que remettre les musiques là que je m'étais pas fait depuis longtemps, ça m'a fait le petit quelque chose là. Donc je vais attendre encore un petit peu, je vais refaire un New Game Plus et avec les DLC à la suite. Très bien, donc jeu de l'année. Une conclusion totale d'un univers forcément génial. Witcher 3, très bien. Non, il y a StarCraft 2. Et StarCraft 2, une extension aussi qui est sortie il y a pas longtemps, qui conclut d'ailleurs StarCraft 2. Et il semblerait que ça le conclut plutôt très bien d'ailleurs, avec pas mal d'aménagements aussi au niveau du multijoueur, et c'est plutôt une bonne chose. ensuite. Alors Bilou, j'ai peur de te demander, parce que j'ai peur qu'il y ait encore du rallye là-dedans. Mais je pense que c'est peut-être avec un Snake dedans, mais je suis pas sûr. Alors, Bilou, quel est ton jeu de l'année 2015? Ah bah oui, ouais, j'ai dit au début, hein, s'il fallait retenir qu'une chose, ce serait MGS5 hein, pour moi. Alors, disons-nous un tout petit peu plus. Ah, vas-y, avec de l'émotion, s'il te plaît. Ah, je préfère l'émotion quand même la musique que tu nous avais fait découvrir dans la beatbox. Ah, merci, un petit peu de pub pour ce superbe podcast musical. Oui. D'ailleurs, le morceau que d'ailleurs j'ai découvert, que je n'avais pas encore trop entendu avant, que j'ai découvert avec ça et que je l'ai écouté en boucle ensuite derrière. C'est une très grâce à toi. Merci, merci. Et mais ouais, alors bah déjà c'est MGS, donc bon voilà, moi personnellement je suis très très client. J'aime beaucoup les messages qui passent dedans, un peu le feeling qu'il y a derrière, et donc je l'attendais pas mal, surtout bah le passage au monde ouvert, un peu comme un petit peu d'appréhension, savoir ce que ce serait. Alors c'est vrai qu'il y a de la répétitivité quand même. Bon, moi j'en suis pas encore au fait de recommencer des missions, parce que je sais que la fin on recommence des missions qu'on a déjà fait d'une manière un peu différente, mais je sais même pas combien d'heures j'ai, faudrait que je regarde sur Steam. Et je vais t'avouer une chose, moi c'est ce qui me fait peur, et c'est pour ça que j'ai du mal à relancer le jeu, parce que je sais que je finirai pas, c'est un peu triste à dire, mais j'ai tellement peu de temps. Alors en ce moment, que Metal Gear, j'ai fait l'intro qui est absolument incroyable, vraiment, oui, les deux vrai, premières ouais. heures sont assez folles, et c'est vraiment du Metal Gear pur jus hein, au niveau de l'introduction, et après justement on arrive dans ce monde ouvert, et on commence à appréhender un petit peu différemment le côté infiltration de Metal Gear, qui pour une fois vraiment je trouve donne des bons outils pour s'infiltrer, et il y a vraiment de belles évolutions à ce niveau-là. Après il y a quelques petits ratés encore une fois, mais au niveau système de jeu, je trouve vraiment que Kojima a fait un gros boulot, a vraiment une belle remise en question de la saga, et c'est une belle conclusion effectivement, mais j'ai peur de me relancer dedans, parce que voilà, bon, je te laisse continuer. Oui, mais non, c'est vrai que ça prend du temps. Après, ça prend du temps parce que tu peux avoir du plaisir de jouer et que tu prends du temps. Comme moi, hein, je veux dire, je sais plus combien d'heures vraiment j'ai. Je vais avoir 30, 40, je ne sais plus. Et j'en suis à la mission, genre à peine 15 sur 50, je crois, je ne sais plus, 40, 50. Donc, c'est vraiment ça. Tu arrives dans différentes missions, tu les fais plusieurs fois, tu les fais de différentes manières, tu t'infiltres, tu vas comme un bourrin, tu recommences plus tard parce que tu as gagné d'autres choses entre temps, t'as développé du nouveau matériel, des nouvelles armes. Je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont réussi à faire au final. L'ambiance est très bonne, les différents pays sont plutôt sympas, et vraiment je suis content de ce que ça apporte, de l'histoire à côté. Je suis vraiment sympa, enfin je suis vraiment bien hypé par tout le déroulé du jeu. Et malgré le changement du couloir un peu qu'on suit des Metal Gear d'avant, j'ai bien accroché. Moi, ça m'a pas dérangé beaucoup. Beaucoup de fans ont été dérangés par ça parce que tout d'un coup, on nous tient plus par la main. Mais moi, j'ai bien aimé. Je suis pas saoulé par les open world parce que j'en ai pas fait des masses au final. Donc, moi, ça m'a pas dérangé. Donc, Metal Gear Solid 5, c'est le jeu de l'année de... Définitivement. Et puis, pour sa bande son très années 80 que j'adore. Hein, en passant, mon GTA préféré est le Miami, celui qui se passait à Miami. Moi aussi, absolument, oui. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec ça. C'était pour moi le meilleur GTA, le plus cool, je trouve, le plus fun, avec une sacrée bonne ambiance, effectivement. Mais là, on commence déjà à dériver et on va conclure tout doucement ce podcast spécial 2005, la rétrospective par le jeu vidéal, avec des invités absolument... 2015. J'ai dit quoi, 2015. Moi 2005. J'essaie de me mettre au niveau de ton backlog Steam. Il est minuit moins 20. Voilà, minuit moins 20, donc vous sentez de la fatigue après une belle journée de travail. Donc voilà, donc la rétrospective 2015 se termine tranquillement. Vous avez eu nos jeux de l'année, vous avez eu nos coups de cœur, nos coups de gueule sur cette belle année quand même jeux vidéo qui a été riche en rebondissements, en actualités et en beaux jeux. Et donc je vais vous faire des gros bisous, je vais embrasser mes invités du jour. Donc bien sûr Ron, Xboxygen comme d'habitude, aussi mon camarade donc de la Beatsbox qu'on anime tous les deux une fois par mois. J'espère que tu as passé un agréable moment comme d'habitude. C'était très agréable, j'ai juste pas pu parler de Rare Replay. Ah, excuse-moi, je vais juste demander dans la conclusion parce que Rare Replay quand même, j'aurais bien aimé qu'on en touche deux petits mots super rapides. Donc c'est ce que je fais, c'est un peu l'histoire des jeux vidéo, c'est une superbe édition. C'est alors, j'ai appris récemment que vous avez fait quand même plein de jeux de merde avant et qu'ils ont pas mis là-dedans, mais bon, ça c'est pas grave. Alors, on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est Freddy aussi à l'époque sur NES qui était assez dégueulasse. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bon, je redérive parce qu'on était sur la conclusion. Eh ben oui, c'était un podcast très sympathique. Gros bisous. Il y avait un petit peu de porno dedans. Est-ce qu'il faut cool. Allez, vas-y. Voilà, un petit peu. Allez. Je pense que c'est ça. C'est une bonne façon de terminer l'année. Entre hommes. Ça me semble vraiment on parfait. On est bien. C'est la fin d'année. Viens déballer mon gros paquet. Des hommes qui investiquent. Mon Dieu, quelle horreur. Joue pendant que je te lèche l'oreille. L'excuse de Culus de Rhône pour aller lécher l'oreille de ses camarades. Ok, donc tu es très content d'avoir été parmi nous dans cette ambiance un petit peu feutrée, un petit peu chaude. Barberousse. Bah merci de l'invitation une fois de plus. Quid Novi, la playlist, plein de belles choses. plein de belles choses pour 2016 aussi. Peut-être vous dans la playlist un jour pour avoir un petit peu de jeux de vidéo dedans, parce qu'il y a pas beaucoup, il y a pas assez de musique de jeux vidéo. Émission très sympa, c'est vraiment, au passage. Vraiment très très chouette la playlist. Alors, et donc on espère absolument être invité. Ouais, c'est vraiment très bien. Montage, donc, mais bon, faut prendre le temps d'enregistrer, ouais. Et puis il faut faire sa sélection, c'est ça qui est compliqué. Faut sélectionner ses 10 titres, c'est les titres favoris, c'est compliqué. Et je t'avouerai que comme j'espérais un jour que tu m'invites, j'ai déjà commencé à réfléchir à mes. J'ai commencé à faire pareil. J'ai pas pu m'empêcher. Les mecs espèrent un petit peu. C'est ça que je t'invite. Tu peux m'inviter à la playlist. Si non, mais Matt d'abord, parce que Matt c'est mon préféré. Matt d'abord, Matt d'abord. Alors c'est même pas pour ça, mais à vrai dire, quand j'ai entendu ton émission, c'est vrai que je me suis posé la question. Je fais putain, je ferais quoi. On y pense tous. De toute façon, moi j'ai plein de trucs qui sont venus. Et du coup, tu commences à réfléchir et d'un seul coup, tu t'aperçois que t'as perdu 2 heures de ta vie à réfléchir pour mettre 3 trucs sur un. Là, t'as vu comment on spoil la pub Barbarousse. Ah ouais. C'est mais écoutez, c'est la playlist, évident, c'est une très bonne idée. Vous découvrez des gens plutôt sympathiques et des musiques parfois assez étonnantes d'ailleurs, de toute façon. C'est un peu le principe de l'émission. Matt, parle-nous de ton émission. Bah, on reste dans le sympathique et l'étonnant. Hein, l'émission préférée de Rhône pour les toilettes. Donc n'hésitez pas tout ça pour ça. Mais si, okay. C'est très sympa en plus tout ça pour ça. J'ai toujours l'impression d'être méchant avec cette émission, mais elle respire la bonne humeur et la joie de vivre. C'est un peu le tagada prendre soin poète. Exactement. Podcast, c'est vachement bien. Dans ces temps un peu douloureux, écoutez tout ça pour ça. Voilà. Il n'y a vraiment pas de quoi, camarade. Et la prochaine fois, l'année prochaine, de toute façon, tu es là tout le temps maintenant. Tu es ici chez toi, tu le sais. Bilou. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté de venir discuter un petit peu de l'année 2015 avec nous, comme ça, toi qui es fan de Chuck Norris et de belles choses, et de la guerre, etc., et des armes à feu, toi qui fais partie de la NRA. Non, pas tellement, non. Mais merci de l'invitation, c'était très sympa, surtout d'avoir pu enfin nous rencontrer en vrai, et nous toucher les oreilles avec la langue. Mon Dieu, ça dérive. Mais c'était très sympa, on a appris des choses et tout, c'était cool, je suis content d'être venu. Eh ben écoutez, c'est sur ces bonnes paroles, sur cette musique absolument incroyable que nous allons nous quitter. On vous souhaite tous de très bonnes fêtes, hein. On espère que le montage, mais là je suis en train de mettre la pression à Ron, mais arrivera avant les fêtes, en tout cas si ce n'est pas demain. Le cas. Alors avant les fêtes, oui, mais peut-être pas avant celle de. Attends, celle de Noël, c'est quand c'est pas sous. Ah, alors, si, dans ça ce doit cas, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de Noël. Amusez-vous bien, profitez des gens que vous aimez, et on se donne rendez-vous à l'année prochaine. Gros bisous tout le monde, et à très bientôt. À bientôt, salut. Allez, au revoir. Bisous. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs.